Salut gros. Moi j'ai kiffé la blague Guillaume. Merci. Continue comme ça, j'aime mon Marseillais préféré. 15 sur 20, une admiratrice secret. Oh merci. Vive Virgile, il est nul avec ses vannes. C'est vrai que du 53, 2 Jean-Claude sur 22, 2 sur 20, 5 sur 20, 0. Franchement, c'est de la merde, c'est Jean-Pierre Coff. Ah là là, sympa les notes. Thomas Lossec dédicace, 10, 0. Ah non, c'est moyen, hein, franchement. 5, voilà, elle vaut même pas. Elle vaut moins 16, elle était drôle sa blague quand même. Salut merci. Sarah. Je suis pas d'accord, elle est bonne, 16 sur 20, Romain, 23 ans de Pondin. Merci Romain. Tout ça, pour ça, je suis dégoûté de 2,5. Ah ouais, putain, t'en as pas une autre là pour pas que je reste sur ma fin. Ah ouais, une deuxième. T'as une autre. Ah. Mais bon, celle-là. Elle est pas bien. Elle est excellente, moi je m'en fais foutre, mais je suis pas sûr. Ouais, on peut essayer. Quoi, elle est, passe pas à la radio. Si, si, si, elle passe. Franchement. Ah, mais dis-moi si elle passe. Ouais, pas, non, elle passe, Guillaume, t'inquiète. Si c'est une blague raciste, tu me préviens. Non, évidemment. Non, je vais mettre un brouilleur pour le CSA. T'inquiète, t'inquiète. Pour qu'ils entendent plus. Ah, c'est au cas où. Mais c'est ça, quand ils écoutent, ils sont âgés. Hein, donc tu mets une petite musique derrière et puis du coup, ils entendent plus le truc. Hein. Tu mets ça par-dessus, tu vas ta blague, ils entendront plus. C'est pas vrai, en plus. Voilà. Allez, je vais mettre ça par-dessus. Ouais. J'ai brouillé le truc. Alors, c'est une blague. C'est des mecs qui s'enculent, quoi. C'est des mecs des années 30, ce serait marrant. C'est des mecs qui ont une limite et tout. Est-ce que vous voulez une deuxième blague de... Attends, parce que d'ailleurs, excusez-moi, je prends en otage l'antenne, je me permets. Mais dites-moi quand même si vous pensez que j'ai besoin a le droit de reprendre en otage l'antenne d'énergie. Avec une blague, c'est quand même. On va pas se mentir, une catastrophe. Non, j'en ai une autre en plus au pire. Je vais essayer. Est-ce que t'as envie de réécouter une deuxième blague? Ouais, franchement, ouais. Mais t'as envie de réécouter pour avoir un deuxième bide ou pour Bah ouais, pour rigoler. Bon. Soit pour me moquer ou pour me marrer, quoi. Ah sais. Voilà. Alors parce qu'il était là, content de la raconter. 20, 19, je vous adore les mecs. Salut Guillaume, pourquoi tu fais que 2 heures d'émission? Alors j'ai expliqué mon Jérémy de Lyon. Et si tous les jours il y a un nouveau mec qui réécoute, je vais répéter à chaque fois. Comme ça vous le saurez tous. On fait 2 heures d'émission parce qu'on veut pas enregistrer. Et on veut surtout. Moi j'ai un petit peu mal à la gorge, un peu mal aux cordes vocales et tout. Je prends un peu des cachets pour avoir un peu de voix parce que sinon j'ai la voix qui pète. Et j'ai pas envie d'arrêter la radio à 31 ans donc j'ai envie de continuer un peu longtemps mais du coup un peu moins et en même temps quand on fait 2 heures on arrive quand même à beaucoup rigoler, parfois faut en faire un petit peu moins mais rigoler plus en 2 heures on dose que d'étaler forcément une émission un peu comme une merde au soleil qui va s'écraser. Non mais c'est vrai, parfois la comparaison c'est comme une glace, faut mieux la manger vite, c'est aussi bon genre une boule pas deux boules quoi, et puis quand tu la manges en trop long bah parfois c'est un peu moins bon, voilà, donc savourer. J'ai un stagiaire, lui met ses 2 boules dans la bouche, non, non, c'est là qu'il prend le plus de plaisir, pas du tout. Il y en a un qui dit avoir une deuxième vu la première, oui. Ah bah d'ailleurs, il y en a un autre qui dit il a le droit à son deuxième beat quand même. Non, c'est dur à raconter une blague. Non, mais c'est très dur. Ah ouais. Comment t'as la pression? Franchement, c'est inhumain. On se fait Mans Zelmerlo, le nouveau là. Ouais. Je connaissais pas l'ancien, mais c'est le nouveau. Ah ouais, Mans Zelmerlo. On se l'écoute maintenant, c'est des hits en tout cas. Il y a que des hits. De toute façon, vous vous posez pas la question. Si vous écoutez un morceau sur Énergie, c'est que. Ouais, c'est chez nous quoi. Vous avez beaucoup de chances de l'aimer. Quoi. On se fait Major Lazer, Justin Bieber, juste après celui-là. Mans Zelmerlo sur Énergie. Mans, bonne nuit. Ah, c'est français en plus. 22h19 sur Énergie. Le titre c'est Shul Gone Home et le mec qui chante en français. Je sais déjà. Ah super. Allez, à tout de suite. Et la deuxième blague de Jim Lucent là. Jamais rien de mieux. À croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu. Qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau. Jusqu'à la fois de trop. Chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau. Car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Should've left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard. De peur qu'il soit trop tard. Je ne fais que ça. Et dans mes yeux tu le lis. Je ne suis qu'un homme qui n'a pas pris.

swear. Je fais des efforts et toi t'es pas content. J'en suis moi quand tu prends les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le style. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous. Mais quand je te vois, je suis censé rester cool. Ma belle, t'es pas du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé toi et ta beauté. Mat le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car à minuit tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant, mais. Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean. Try and get a vibe but keep it low key. I said don't worry, the drinks is on me. How to keep cool when this chick is so real. Damn, blown off the beat. Repeat to myself, keep calm when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but with that juice in your drunk. How am I supposed to keep my cool? Dernière fois qu'on vous a donné autant de plaisir pendant deux heures, c'était... jamais. Du dimanche au jeudi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez à l'antenne hein, sur Énergie, bonne nuit les mecs. Guillaume Radio 2.0, on se fait le nouveau jeu là, où on va faire une fausse annonce de casting et on va faire croire qu'on est des boîtes de prod spécialisées dans la télé-réalité. Ouais. On va le faire dans deux minutes. JM du standard, la blague. Deuxième blague. Ah ouais, je pense qu'Alexandre, toi qui as perdu 95 kilos en un an, c'est grâce aux blagues que tu as entendu. JM du standard, ça a dû te faire un choc. Point, ouais. Bon, on va voir. T'as déjà entendu une blague de JM du standard ou pas, Alexandre, sur YouTube, genre? Non, c'est vrai. Non, si vous voulez voir demain. Demain soir, enfin samedi ou dimanche, qu'on n'est pas là, et ben vous allez taper sur YouTube, vous tapez la meilleure blague du monde. Ouais. Le titre convient pas au produit. Non, c'est pas vrai, franchement. Ah, non, je fais ça pour rigoler, mais moi je suis un grand fan de JM de Saint. Merci Guillaume. Un peu moins de la blague d'avant. Ouais, bah elle est bien attrapée. Non, là, attends, pas sur un échec, moi tu me connais. C'est pour ça que tu remontes sur le vélo. Voilà, tout là, t'as la pression encore plus. Là. Alors là, elle est meilleure ou elle est pire? Elle l'a fait beaucoup rire aussi. Ah, il ose plus dire qu'elle est meilleure. Elle est plus simple à comprendre et tout, donc. Tu m'as pris pour un débile ou quoi? Non, mais c'est ce qui ressemble à comprendre. Je l'ai compris. Oui, oui, non, faible. Parce que c'est un stagiaire qui ne comprend pas les blagues. C'est pour ça que je l'ai compris aussi. C'est pour ça que j'étais content. Bah écoute, on y va, c'est parti. Deuxième blague de JM du standard, il est 22h30. Nous sommes en direct, c'est parti. Vas-y, alors c'est pas ça que je voulais envoyer. Ouais, voilà, c'est ça, vas-y. C'est le général des forces armées qui inspecte les rangs, tu vois. Il s'approche du soldat russe, il prend son arme et il lui tire dans le pied, tu vois. Le soldat russe, il bronche pas. Le général, il lui demande: est-ce que tu as mal? Le soldat russe, il dit: non, général. Le général de qui là? Bah, le général de l'armée en fait. L'armée russe spéciale. Non, des forces spéciales en fait, il y a plusieurs pays. Des Nations Unies, tu veux dire, peut-être. Ouais, c'est l'ONU, tu vois, à la base, mais j'avais pas dit ONU. Le casque bleu, non? Oui, il y a forcément une. Bon, bref, ok, on s'en c'est une force spéciale. C'est pas la qualité, la blague. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, il y a peut-être un truc que je vais pas comprendre. Non, attends, je veux mettre toutes tes chances de ton côté. Ah, c'est gentil, merci. Alors, vas-y, on recommence. Allez, c'est parti. Donc, c'est le général des forces armées qui inspecte les rangs, tu vois. Il s'approche du soldat russe, il prend son arme, il lui tire dans le pied, et le soldat russe, il bronche pas. Le général lui demande: est-ce que t'as mal? Le mec, il te met la musique. Je vais recommencer là encore. Vas-y. Ouais, recommence. Ouais, c'est bon, je vais faire. T'es pas rendu. Ouais, c'est le général des forces armées. Ah, ça va nager, sûr. Ah, j'ai la nouvelle de Maître Gims. Ah ouais, elle est pas mal en plus, la nouvelle de Gims là. Bon, t'écoutes, Gims. Je vais faire une duo avec Maître Gims, je le sens. Non, pas du tout. C'est le général des forces armées. Je vais faire un freestyle. Fidèle, tu seras fidèle, tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même. t'écoute, Jim, du standard. Cette fois-ci, c'est la Merci, Guillaume. Donc, c'est le général des forces armées qui inspecte les rangs. Il s'approche du soldat russe, il prend son arme et il lui tire dans le pied. Le soldat russe, il broche. Bah, continue, Jim, on l'entend pas. Tu cries pas. Et moi, je t'entends. Ah oui, mais oui. C'est le principal. Bon, vas-y. C'est le général des forces armées, j'en peux plus. Tout ça pour pas la faire après. Ouais, je vais arriver, je vais pas lâcher. Vas-y, vas-y. Donc, c'est le général des forces armées qui inspecte les rangs, tu vois. Il s'approche du soldat russe, il prend son arme et il lui tire dans le pied. Le soldat, il broche pas. Et le général, il lui demande s'il a mal. Et le soldat russe, il dit non, général. Et le général lui demande pourquoi tu n'as pas mal. Il lui dit parce que les soldats russes ne craignent pas la douleur. Il s'approche de l'américain, il prend son arme, il lui tire dans le pied. Le soldat américain, il broche pas. Et le général lui demande tu as mal? Et le mec, il répond non, mon général, pourquoi tu n'as pas mal? Ben parce que les soldats américains ne craignent pas la douleur. Il s'approche du soldat français et tout, il prend son arme, il lui tire dans le pied. Le soldat, il broche pas. Et le général lui demande tu as mal? Et le soldat, il dit non, mon général, pourquoi tu n'as pas mal? Et là, le soldat, il répond ben parce que je chausse du 39 et c'est con, ils m'ont donné du 44! Très bien, Gilles Sandor. C'était mieux, Guillaume. Ah, beaucoup mieux. Ah, merci beaucoup. Non, il était mieux, non? Ah, bah oui. Ah, oui. T'as mal jugé. Il sature un peu vos micros, là. Ah bon? Ah ouais, mais vous entendez pas quand vous parlez, mec, il faisait pas d'oreille ou quoi? Ah si, mais on peut rien faire. Ah mais non, mais ça sature à mort. Ah, peut-être qu'ils ont rigolé fort grâce à la blague. Non, c'est quand il parle que c'est aussi. Il parle fort et rigole doucement. J'ai rien compris, c'est-à-dire qu'il a shooté dans le bout du pied et qu'il a pas touché. C'est trop grand, ouais, ça, ouais. J'avoue, la deuxième blague est bien plus drôle. Ah, bah, voilà, merci beaucoup, 15 sur 20, voilà. Sur ses couilles, j'y ai avec des vannes, Cédric du 53. Salut, Cédric. Salut, mec. Je peux éviter de sucer tes couilles. En soulevant ma merde, j'ai trouvé la blague de Jim. C'est fin, c'est bien. Ouais. Non, je déconne pas mal. Merci. Sylviane de Boissy en 94. Ça mérite 44 baffes au lieu de 39. Salut Yacine du 40. Bien, mais déjà fait Romain de Bondin. Ah, j'ai jamais entendu. Non, je crois pas. Pas par moi. Celle-là était mieux, 16 sur 20. Peut-être que t'écoutes une autre radio parfois. Ouais. Archi bien, ça blague Mougli du 7-6. Merci Mougli. Après, je connais pas d'autres radios où il y a des vannes de JM Sandar. Ouais, moi non, pas. Si j'écoute une autre radio un jour, j'entends JM Sandar. Il est où? Il est où? J'ai rien compris, si je m'écoule. J'adore ta blague, t'es meilleur, Sarah du 47. Merci. 16, enfin, JM, c'est sur poste. J'ai fait l'amour. J'ai fait la main. Oh, la blague de merde. Mordor au Seine, j'ai rien compris. La meilleure, 19 sur 20. Cette blague remonte le moral de JM du standard. Ça m'a fait mal au cœur de dire ça, mais elle est bien. Cette blague remonte le niveau de JM. Voilà, très bien. Il y a plein de messages qui arrivent. Merci beaucoup pour tous les dédicaces qui arrivent. Ouais. Dédicace à Thomas Delaveau. Allez, salut Alexandre, salut Alex. Salut mec. Guillaume et votre dédicace au 612 comme Alexandre qui nous a passé un petit coup de fil là de Lausanne et qui a perdu 95 kilos quand même. C'est ouf. Hein. 95 kilos en un an. Alors t'expliquais en fait dans 7 à 8. On a retrouvé un peu. T'es passé dans 7 à 8. Attends, j'ai un petit extrait de 10 secondes de toi là qui passe. On me l'a dit 2-3 fois. Vous êtes un obèse morbide. On s'en souvient quand même de ce terme morbide. Avec l'obésité, on est plus proche de la mort. C'est un pas vers la mort, je pense. Et dans cette obésité morbide, c'était aussi une lutte contre la mort de votre mère. Oui, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa mort? C'est assez affreux à dire, mais quelque part, j'étais soulagé pour elle, parce que ses souffrances étaient terminées. Mais c'était quand même un soulagement pour moi. Je me suis dit, ma mission s'arrête là. Elle a préparé sa mort, finalement, quelques semaines avant, où elle a écrit un mot pour chacun. Et à moi, elle m'a dit qu'il fallait que je m'occupe de moi, maintenant. Et c'est là où j'ai eu le déclic. Il fallait que je perde du poids pour pas la rejoindre. Ça, je m'étais dit. Donc, je me dis, il faut faire du sport. Attends, et c'est juste en faisant du sport, t'as perdu 95 kilos? Oui, et en mangeant moins. Quel sport? Putain, c'est ouf. Mais t'as fait quoi? Attends, pour arriver à perdre 1 kilo. Non, mais attends, à chaque fois que tu vas au chat, tu perds 1 kilo. Comment c'est possible? Ouais, moi, je me pèse quand je vais aux toilettes. Ah, mais quand tu chies, tu perds 95 kilos par an, c'est 300 grammes par jour. C'est un steak haché par jour, en moins. Ah, s'il mange moins. Un gros steak, une entrecôte. 300 grammes, c'est l'entrecôte. Ouais, ouais, c'est 300. Ouais, un burger. Tu enlèves une entrecôte tous les jours et tu la poses, quoi. Ouais, bah ouais, mais bon, ça a marché. C'est que je mangeais moins qu'avant et je bougeais plus. Donc. Ah, mais attends. Ouais, tout le monde, ça serait facile si tout le monde pouvait le faire, ça. Oui. Hey, tu fais quoi comme sport, oui. Comme dit Jean Stagiaire? Natation. Alors, je fais la natation. Il y en a plein qui font ça. Ah ouais? parce qu'avec le poids, je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas faire du vélo, enfin, c'est compliqué. Parce qu'à 150 kilos, si j'étais monté à 152 kilos, c'est difficile. Alors, c'était la natation, c'était le plus simple. Ouais, tu pourrais faire de l'aquabike peut-être aussi, non? Oui, ça j'ai fait, mais une fois que j'avais perdu. Ah ouais, j'ai adoré, oui. Ah ouais, mais genre, tu sais tu pouvais nager comment, genre à 150 kilos, tu sais, t'avais une nage particulière? Bah, au début, je faisais juste la brasse. Pas une planche? Et puis après le crawl et tout, non, après, normalement. Non, après, non, quand même. Ça, dans l'eau, ça va, hein. Ouais. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Moi, j'adore la natation. C'est bien. Ouais, ça fatigue. Donc, la petite planche aussi, ça fait travailler les jambes. Ouais, justement. Pour travailler la puissance, etc. Ouais, tu bats les jambes, mais du coup, ça permet le crawl. De te muscler un peu les couilles. Oui, et là, maintenant, tu fais quel poids, quelle taille? Là, maintenant, bah, j'ai pas grandi. Malheureusement, j'aurais bien voulu grandir. Je suis 1m74. C'est bien. 58 kilos. 58 kilos, putain, t'as perdu 100 kilos. C'est un truc de ouf. Ouais. Mais genre, tu t'es fait enlever la peau et tout, parce que quand tu perds autant de poids. Après, une fois que j'ai perdu le poids, j'ai dû faire la chirurgie esthétique, comme ils disent, enfin réparatrice. Et oui, non, ils m'ont enlevé 6 kilos de peau. Donc en fait, non, j'ai perdu que. Enfin, j'ai fait dans les 95 kilos que j'ai perdu. Ah bah ça pendouille après la peau. Ah oui, ils t'enlèvent le truc derrière. Ah oui, 6 kilos de peau. C'est une liposuction, ça. Et ça, c'était énorme. Ah oui, oui, entre autres, ils font la liposuction. Ça, c'est vrai que je pensais pas qu'ils allaient m'enlever 6 kilos, parce que c'est énorme, hein, quand même. Putain, c'est ouf. La peau qui ça fait mais ça me gênait plus, la peau, ça me gênait plus que l'obésité. Parce que c'est vraiment. Ah, c'est flasque. Ah, c'est abusé. Mort, tu l'as gardé, la peau? Oui, j'ai pas. Tu veux qu'il fasse quoi des lampes? Quand il a froid, il te met sur les lampes. Ah oui, ça j'aurais été. Ouais. Comme ça, donc, c'est sûr que je reprendrai pas là. Tu vas s'en taper chez lui. Les menus, tu sais. Les menus. Bienvenue. Oh là là. Oh là là. Oh la radio bizarre. Ah ouais. Mec, on est un mec qui passe à la radio, tu demandes si j'ai gardé sa bombe pour faire un payas. Question chelou. Mais oui, c'est ça que je veux dire, c'est que j'ai rien fait de spécial, il n'y a rien de miraculeux. Donc c'est pour ça que j'aime bien témoigner. Et genre. Tout le monde peut y arriver. Et tu t'es fait enlever la peau où? Alors juste sur des jambes, j'imagine qu'il devait être un peu relou. Il y avait des cuisses, ventre, dos et bras. Et pas les mentons et tout, genre? Le cou? Non, ça non. Ça aurait pu, les joues. Imagine, tu perds des joues. Non, ça non, oui. C'est vrai, non, ça non, j'ai pas eu besoin. Non. Déjà, les bras quand même, en dessous des bras, hein, ça c'est important. Oui. Les bras, cuisses, ventre et dos. Oui, et genre, ils ont enlevé combien de mètres carrés de peau, genre, enfin de taille de peau? Alors, en tout, j'ai des cicatrices, ils ont mesuré l'autre jour, j'ai 3 mètres de cicatrices. C'est énorme. Oh là là, ça fait plus que toi. Et la peau, tu l'as vue? Non, j'imagine j'ai mis ça avec une cagoule. Non, ils m'ont fait une photo. Cela dit, non, le chirurgien m'a fait une photo. Donc j'ai une photo. Déjà, ils en ont fait une tapisserie. Enfin, une frise. Une frise, ça. Ouais, mais une frise aussi, c'est parti. Non, c'est vrai qu'ils m'ont fait une photo. Sur la tapisserie, c'est frise. Ah oui, discussion. Là, il y a un débat pour rien. Excusez-nous, c'est pas une frise, une phrase de. C'est un spécialiste qui m'a appelé. Une frise murale, c'est un truc. Une fresque murale. Mais non, mais la frise, c'est au milieu. La frise, c'est le dessin en haut là. Mais les frises, c'est les glaces. Les frises, que tu bouffes, les mix. C'est ça. Mais si, c'est l'été, t'as à manger. Mais non, mais je parle des mix en frise. Bah oui, les mix. C'est ça. Par exemple, sur la tapisserie, tu as une frise horizontale. Changer ton générique car tu dis dimanche jeudi. Bah ouais, mais je l'ai appris il y a 2 heures. Ouais. Damien de 6-2, c'est bon. Non, mais je vais le faire. Hein. C'est prévu. C'est sur ma to-do list. La liste des trucs à faire. Ça m'énerve les gens qui le disent. Ah ouais. donc on va le faire. Mais carrément, merci mon pote de me le rappeler d'ailleurs. Hein. C'est super sympa. T'as bien raison parce que ces petits trucs, parfois nous, tu sais, on passe à côté quoi. Ouais. Donc Alexandre, tu disais que t'avais perdu beaucoup de poids. Et la peau, donc genre, ils t'ont montré, ça représentait quoi, genre en superficie? Alors pour les cuisses, là, ils ont enlevé 16 cm. En fait, c'était un bout sur 16 cm de longueur. Ah ouais? 16 cm sur 3 de largeur. Oui, une bandelette, quoi. Ah ouais, ouais. C'est bizarre. Ouais. Ouais. Bah, c'est bien. Et sur le ventre, c'était quoi? Alors ça, j'ai pas vu, parce que ils ont fait en deux opérations, c'est ça, la première, ils m'ont pas montré. Bah, vaut mieux pas, mais la cicatrice, par exemple, elle est sur 360 degrés. Enfin, c'est tout l'abdomen et derrière. Ouais. Ah oui, t'en fais le tour. Donc, ça, ok, ouais. Attends, s'il vous plaît. Alors, tu vas faire toutes les semaines du lundi au vendredi. Salut, Alexandre. Du 59, ouais, exactement, ouais. Salut. Il y a qui dit le mec qui est passé de Pyrénées, ça passe partout. Du 94. C'est impressionnant quand même, tu m'impressionnes, hein, mon gars, bravo. Ouais, hein. Respect, mec. Franchement, félicitations. Mais... hein. T'as jamais... 95 kilos en un an. Mais justement, je vous dis, le but, c'est pas que ce soit exceptionnel. On va bien que plein de gens fassent ça. Arrive à faire ça. Je t'entends plus, le public applaudit. Acclamation. On peut pas arrêter le public qui applaudit. Hein. Un beau petit sauciflard. Pourquoi ? J'aimerais tellement perdre du poids. Comme lui, je suis trop complexé, je pèse plus de 60 kilos. Oh, ça va. 60 kilos, 63. Gros bisous à toi, ma chérie. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile le poids et tout ça. Bah, c'est pas facile, mais je pense que c'est plus difficile de perdre 5 kilos que de perdre 95 kilos. C'est vrai ? Ça, j'ai toujours pensé. Oui, je pense. Parce que dans ta tête, t'étais déterminé, quoi. Oui, c'est ça. Et justement, donc là. Ah, quand t'es déter, hein, t'es déter. Hein. Oui, ça oui, je mets du temps. Et sert à quoi ta phrase? Le pollueur. Le pollueur de la radio. Le pollueur. Ah putain. Salut, dédicace à Badaboum, mon poney. Salut. Salut. Julien, il a enlevé l'équipe de Camoun de ses fesses. C'est quoi ces trucs de merde? Je sais pas ce qu'on peut. Faut pas les lire, ces messages. Non plus. Ça veut rien dire. Que des messages à la con, bordel. Quoi, Camoun déjà? Le mec le plus gros du monde fait 600 kilos. Ouais. Salut à toi. Putain, comme ma smart. Eh, c'est dingue. 600 kilos? 600 kilos. Ouais, c'est 600, c'est chaud. Il va pas vivre longtemps. Ouais, même il est plus lourd qu'une vache, quoi. Ouais. Une vache, ça fait 450 dollars. Même pour se déplacer, c'est chaud. Et bah ouais, il peut pas se déplacer. Et pour aller aux toilettes? À 600, ça fait caca dans un seau. Et sur la cuvette, il rentre. C'est vrai que ça c'est vraiment chaud. Hein. Ouais. Moi je me demande hein, quand tu fais vraiment un poids où tu n'arrives plus à marcher, pourquoi tu prends pas en main 200 kilos, t'imagines? C'est dur quoi. Ouais, c'est ouf. Hein. Aux États-Unis, parfois t'as vraiment des gens sur des fauteuils roulants électriques et après c'est souvent des maladies aussi. Hein. Il y a beaucoup qui ont des maladies thyroïdiennes et trucs comme ça. Hein, c'est relou. Ça. Oui. Attends, et toi, c'est parce que tu bouffais beaucoup genre à une époque? Oui, alors ça oui, c'est vrai, mais je mangeais, c'était les portions surtout, c'est vrai, et puis des barres chocolatées, enfin plein de conneries, chips et compagnie, mais c'est vrai qu'à la fin je marchais même plus, parce que là, pour aller au restaurant, je prenais la voiture, alors que le restaurant était à 100 mètres, hein. Et là maintenant j'habite toujours au même endroit, et puis ça me fait rire à chaque fois, je me dis c'est fou, parce que je remarquais pas hein, sur le moment que ça j'arrivais pas à faire, mais je prenais la voiture. Je pourrais pas courir, mais marcher c'est difficile, donc non, justement après c'est une renaissance complète, de pouvoir... C'est l'autre vie. T'as l'espoir et tout ça, c'est un changement de vie complet. Et quand t'allais au restaurant, genre, tu prenais la voiture, tu disais... À 100 mètres, genre. Non, putain, c'est... Oui, et puis après, même aller au restaurant, ce qui était affreux, c'est que les tables, certaines tables, on ne peut pas les bouger. Donc le ventre était tellement gros que c'était très compliqué. Hein. Je ne voulais même plus aller au restaurant après parce que je me disais, mais je ne peux pas parce qu'il n'y a pas assez de place. Alors que bon, quand même, bon, 150 kilos, c'est énorme, mais il y a ça plus. Va encore. Ouais. Ouais. Ah, c'est énorme hein, quand même. Quand je revois les photos, je me dis, oh là là, mon Dieu. Mais on se voit pas comme ça. Après, t'as les banquettes et tout. Enfin, tu peux toujours trouver une solution. Ouais, tu peux toujours trouver une solution, quoi. Dans quelques temps, on va se rendre compte qu'il a pris tout le monde pour des cons. Vous verrez, salut Thierry. Salut. Le gars le plus gros s'appelle Monsieur Mabit. Salut à toi. Salut. Salut. Il fait 10 fois mon poids, le mec, à 600 kilos. Qu'est-ce que t'as changé au niveau d'alimentation pour perdre 100 kilos en un an, Jérém, là, du Zéro là. J'ai arrêté les féculents, surtout, en fait. D'accord, les pâtes et tout ça, quoi. Ouais. Le riz. Voilà, oui. Mais ça, c'est sûr que ça fait grossir. Les pâtes, ça fait grossir? Bah oui. Ah, je savais pas. Bah oui, alors ça, j'avais arrêté pâtes, riz, pommes de terre et tout. Et je me resservais plus. Enfin, mais c'est tout, hein. C'est la seule chose que j'ai arrêté. Enfin, j'ai pas après des fast-food et compagnie, ça, c'est sûr. Mais bon. Ouais. Et t'es arrivé quand même à te branler, il y en a qui demandent là, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est ce qui est arrivé. Moi je suis une transition entre vous et tous ceux qui passent à la radio. Moi je fais 580 kilos pour 1m80 quoi. Wow. J'ai 20 ans, je suis routier donc je n'ai pas d'activité physique et j'en souffre. Putain, salut mon Julien. Faut que t'ailles faire du sport. Tu t'inscris dans une salle, frérot, et tu vas une heure par semaine. Piscine, moi j'y vais une heure par semaine, franchement ça m'a fait trop du bien, je te jure. Ça décrasse. Non, mais vraiment, tout le monde dans sa vie peut trouver une heure par semaine. On sent bien après. Même un président de la République peut trouver une heure par semaine pour faire du sport. Donc il faut vraiment le faire, c'est hyper bon. Vous vivrez plus vieux, non mais c'est sûr. Vous voulez maigrir, arrêtez sel et l'huile et le grignotage. Sel, huile et grignotage, ouais. On a vu ça, il y en a partout. Oui, et genre, parce que pour que tu grossisses et tout, tu mangeais genre vraiment n'importe quoi. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est sûr. Oui, je faisais n'importe quoi. Ça, des glaces, hein, 2-3 glaces par jour, des chips tous les jours. Oh, oui, non. Ouais. Pour grossir, c'est rare, c'est ça, tout le monde sait comment grossir. Mais, et tu disais, là, t'arrivais à te branler ou pas du coup à l'époque? Mais oui, même à 150 kilos, oui, oui. Ouais, non, mais c'est une érection, c'est les vraies questions, je les pose. Bon, les questions qui arrivent par SMS, on arrive à se branler, bien sûr. Hein. Bah, je pense, ouais. Mais bon, je vous pose la question, puisqu'elle est arrivée par SMS, quelqu'un qui a pris le temps de. Le bras, il est grand, bien. Donc, donc ouais. Pas de problème. Mais pas de copine, par contre, à 150 kilos. Maintenant, ça va, mais. Ouais. Un beau cachou, bon, salut. Moi j'ai perdu 15 kilos en un mois après la perte de mon père. Putain, mon courage, hein. Salut, ouais, Michel. Ça, c'est dur. Salut. Julien, c'est la pucelle de l'équipe. Salut. Non, ça va pas ou quoi? Mon nouveau principal, son nom c'est Caris, mort de rire, c'est vraiment plus. Salut. Est-ce que tu as fait 175 kilos, ta bite aussi a grossi? Salut. Ah ouais, une bite ça maigrit pas, non? Ah non? Elle est pas impactée, non, la bite? Ça maigrit pas, non. Il y a pas de graisse sur la. Non, mais c'est une vraie question. Ouais, hein. Non, pas lui pousser la bite, quoi. Ça a pas arrivé. Ouais. Ouais. Moi je me fais vomir pour maigrir. Ouais, non, mais ça c'est pas bon non plus. Non, c'est pas bon. Ah non. Non. Est-ce que tu veux me faire une description détaillée de Julien Stagiaire pour que j'aille vomir? J'ai envie de vomir. Oh ouais, c'est moyen. J'ai aimé pas se branler parce qu'il y a Bottom, merci, un sujet. Sur les gros, ça sera toujours plus drôle que les blagues de Jim Sander. Salut, Roulzy. Moi salut. Aussi, je me sens mal. Et pour le moment, je fais 1m57 kg pour 1m53. Et je compte arriver à 45 kg. J'ai perdu 10 kg en 2 mois. Bravo. Bravo, ah, bien joué. J'ai 16 ans. Bah, voilà, vous voyez. Tout cet été. Genre, il se branle avec l'enquête. Salut, je pèse 80 kg pour 1m68. Il faut que je perde 10 kg. Moi, j'ai perdu 5 kg cet été. J'y vais doucement. J'ai 13 ans et je fais du sport. Salut, Seb. Salut. Salut, ouais. Salut, est-ce que t'habites à grossir avec le poids? Il avait la brioche qui tombait sur la baguette, salut. C'est du 17. Salut. Dédicace au manchot de la rade, Thomas Frappier. Bon, ça, il y a beaucoup de messages. Hein. Mon mari a de la chance, quoi qu'il mange, même en grande quantité, ne grossit jamais. Je suis jaloux, salut Caro. Il a de la chance. Hein. Peut-il donner de la peau pour que j'aille stagiaire grossisse de la bite? Salut. C'est glamour, c'est bien. De 80. Quand JM du Standard a dit que sa blague valait un 18/20 en et tout, on aurait dit les titres putaclic sur YouTube. Léa, c'était la deuxième en fait. Est-ce que tu es arrivé à passer dans les ascenseurs avec ton. Ah oui, 150 kilos, oui, normalement. Oui, quand même. Ça dépend les calmes. Le stagiaire se branle, lui, pour maigrir. Non, pas du tout. Est-ce que tu arrives à te torcher facilement ou pas? Vraie question. Ouais, ça doit être un problème, ça. Oui, non, ça allait encore. Ça. Non, quand même. Non, ça en arrive. Est-ce que tu es arrivé? Alors, il y a beaucoup de questions. Vous savez quoi, les gars, on parle de Capron, on se fait le nouveau jeu aussi, on se fait Major Lazer tout de suite avec Justin Bieber. On se fait Cold Water. Bonne nuit, les mecs. 22h49. C'est Guillaume Radio 2.0, là, sur Énergie, on est en direct. Hein. 22h à minuit, du lundi au vendredi, toute la semaine, 22h minuit. Les deux dernières heures de la journée, on les passe ensemble. Bien intense, bien drôle, tous ensemble. Là. Merci, les gars, d'être avec nous. En tout cas, bon courage pour la rentrée demain. Je sais que c'est un peu le moment un peu de panique et tout. On se fait une énigme qui arrive juste après aussi. Je vous file des iPad Air 2, des PS4 juste après Major Lazer. Là, avec Justin Bieber. Ok. Rockin' boy.

Ouais. J'étais rugbyman avant, donc je faisais 150 kilos, mais avec pas mal de muscles. Mais quand j'ai arrêté de travailler, j'ai pris du poids, surtout de la graisse. Salut Julien. Salut. Ah, salut. Faut faire attention. Hein. Alors, Guigui de la Régie, qu'est-ce que tu as trouvé sur internet là? Bah là, du coup, c'est une spéciale 1980. Parce que tous les jeudis, maintenant, je vais faire une spéciale sur une année. Oula, d'accord. Très bien. Une spéciale année. Une spéciale année. Mais genre, quoi, tu fais 1980 et l'année, la semaine prochaine, 1981, etc. Ouais, vas-y. Comme ça, on fera votre année de naissance à un moment donné, forcément. Si vous êtes né après 1980, puis après, on partira plus tard. Vas-y, pas de problème. Alors, et vas-y. Là, du coup, bah, j'ai fait sur les doublages. Parce que, du coup, en 1980, il y a eu une grosse époque avec les dessins animés japonais qui sont arrivés en France. Ouais. Et du coup, genre Dragon Ball Z, tout ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a deux types de doublages. C'est-à-dire, le premier doublage, c'est le doublage où les mecs, ils essayent de copier un maximum l'œuvre originale. Ouais. Et du coup, pour prendre un exemple, justement, j'ai pris Dragon Ball Z. Le premier son, en fait, c'est pour lancer une technique. Le mec, il doit balancer une boule d'énergie. Ouais. Et au Japon, ça s'appelle le Kiko. Très bien. Donc ça c'est le Kiko. Ouais. Le problème c'est qu'en France, bah on peut pas dire Kiko parce que ça fait un peu nul. Et du coup les doubleurs, ils ont essayé de trouver un petit truc pour copier le truc, mais ça le fait pas quoi. Ah ouais d'accord. Ouais. Et donc il y en a plein d'autres, c'est ça ouais. Et du coup le deuxième c'est le même principe, c'est une boule d'énergie, mais là ils ont changé le aïe aïe aïe, mais c'est pas mieux. Y a quoi ? Et du coup après là c'est un autre délire encore, c'est un dialogue. En fait ils ont essayé de caler une sorte de petite pub en fait d'une marque. Ouais. En gros l'ennemi s'est fait attaquer et le mec qui l'a attaqué lui donne un petit conseil. Il lui demande de mettre un pansement. Ça ne va pas ? Tu veux un pansement du mercure en chrome ? Ouais, très bien, ouais. Et du coup il y a le deuxième type de doublage, c'est là où les mecs ils s'en foutent en fait de l'œuvre originale. Et ça marche pour Ken le survivant. En gros, l'éditeur, ils ont pas voulu faire la même chose. Et du coup, les doubleurs. Oh, c'est chiant là. J'explique. Et du coup, les doubleurs, en fait, ils ont dû créer le nom des techniques. Oh là, j'ai l'impression qu'on a un reportage sur TMC là. Un truc chiant la nuit là. Mais non. C'est une berceuse là. Oh là, là. En gros, ils ont dû créer les noms des techniques. Et pour ça, ils ont repris le nom original de Ken le survivant. Vas-y, on y va, regarde. Il va utiliser la technique secrète du haut couteau de cuisine. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Ah oui, ils ont traduit en fait. Voilà, non, ils ont pas traduit. En fait, ils ont pris le nom original de Ken le survivant, c'est Okuto no Ken. Ils ont juste gardé le haut couteau pour faire des jeux de mots. Ah ouais, d'accord. L'essence même de l'école au couteau à beurre, de frapper son adversaire. Ils en ont fait plein et le dernier, c'est le meilleur. C'est ici et maintenant que s'achève ta route. Je serai bientôt le seul et unique détenteur du savoir au couteau à huître. Mais pourquoi ils disent huître ? Mais c'est justement, c'est des jeux de mots, ils se sont fait rigoler tout seul quoi. D'accord. D'accord, ok, très bien. Il y a que qui rigole là. Voilà. Ah bah, il y a que toi qui rigole, Guy. Merci beaucoup, Guy. Pas de soucis. Bah, voilà, on va arrêter les années. Hein, c'est de la merde. Quand je dis les années, c'était pour reprendre des. Et les musiques, les trucs marrants, putain. Il y a plein de trucs à faire là. Je trouvais ça drôle, moi. Ken le survivant, putain. Non, mais attends, mais prends-moi des trucs un petit peu frais, je sais pas, des trucs qui. Bah, ouais, mais c'est 1980. Qui intéresse la France, quoi. Ah, ouais, je sais pas. Le football, là. Qu'est-ce qu'il y a eu en 80 ? Bah, attends, je sais pas, mais il y a eu forcément. Il y a pas eu de. Ah bah il y a les JO en 80. T'es sûr ? Non. Une année sur 4 ça sera super. L'euro, la coupe du monde ou les JO. Les JO, ouais. T'as des trucs politiques, des trucs marrants, toi, des trucs qui disaient n'importe quoi à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs. Au cinéma. La nuit sur TMC, il y a les films pornographiques, bah, c'est limite mieux. Voilà. Non, c'est érotique, c'est érotique. Dédicace pour mes frères encore, c'est à ma sœur Marine, à mon pote Benji. Bon, on se fait passer pour une usine de casting, j'ai l'air. Une boîte de casting qui recrute pour la télé-réalité. On fait genre, on est en train de rechercher des candidats pour une nouvelle émission de télé-réalité. On a mis des petites annonces pour de vrai, attention. Ouais, les annonces sont vraiment postées sur Internet. Véridique. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. On a une qui s'appelle Mélissa Gérard. Ouais. On commence par ça. Ouais, vas-y, ouais. Allez, très bien. Alors, attends, je prépare le standard. Je prends la petite musique de. Comment ça s'appelle ? Des anges, Guillaume. Allez, je prends la musique des anges. Télérité. On va la faire sonner en direct. J'ai eu un stagiaire, tu te prépares. Ouais, je suis chaud. Tu vas être une sorte d'assistant américain. Ah, cool, j'aime bien, ouais. Ça marche. Je vais avant te faire un on va essayer. Qu'est-ce que c'est de ceux qui rentrent en 3e au collège Pierre Labitry en 3e de 23h02. Allô. Oui, bonjour Mélissa. Oui. Oui, bonjour à toi, je m'appelle Vivian, là, je suis responsable des castings. Tu sais, tu nous as envoyé un message pour une télé-réalité. Oui. J'espère que je te dérange pas. Allô. Oui. Allô, oui, c'est pour QSEC Production. Actuellement, j'y suis là et on prépare le nouveau casting pour la rentrée. On a une télé-réalité. Et je te dérange pas, t'as deux minutes à m'accorder? Oui, oui. Ah, super. Alors, j'ai reçu une photo de toi ou pas? Je sais pas du tout. Toi, tu as 19 ans, tu mesures 1m67 pour 50 kilos, souriante. J'aime faire la fête, c'est ça, hein? Ok, ok. Voilà. Alors, toi, tu es sur Paris, tu es où? Non, sur Brive-la-Gaillarde. Ah, sur Brive-la-Gaillarde, très bien. Parce que j'ai plusieurs télé-réalités en préparation là actuellement, notamment pour TF1, France 2 et notamment France 3 région. Et on aimerait donc te proposer différentes choses pour que tu fasses les castings si tu veux. D'accord. On a aussi des publicités. Bah, y a différentes choses. Hein. On a aussi des publicités. Je sais pas si toi t'es partante pour faire des pubs à la télé, c'est bien payé. Oui, oui. Alors attends, j'ai demandé à Brian de la prod. Brian, tu peux venir s'il te plaît, assistant prod? Ouais, je suis là, salut, enchanté, moi c'est Brian, salut. Et est-ce qu'on pourrait te renommer alors? Parce que, en fait, si tu veux, notre producteur, il aime pas trop les prénoms classiques, genre Mélissa, tout ça. Est-ce que ça te dérange de changer de prénom dans une télé-réalité ou pas? Pour qu'on te reconnaisse mieux, genre comme la Starac. Pour impacter ton style, genre, tu vois. Genre Tchapachi, en fait, ouais. C'est Julien. Et on a complètement changé son nom, quoi. Tu vois? Même Nico, ça, on peut lui dire. Bah, Nico, c'est Jérôme. Ouais. Jérôme. Enfin, Jérôme, Gérard, mais c'est en grec. Ah ouais. Voilà. Alors, nous, on pensait à toi. Alors, Mélissa, on pourrait t'appeler Brisma. Bah ouais. Ça te va Brisma? C'est pas mal Brisma. B-R-I-S-M-A. Et on te ferait cette présentation là alors. Ok. Elle s'appelle Brisma, elle est ventriloque vaginale. Elle a déjà séché les cours pour regarder les 12 coups de midi quand elle louche et ressemble à Jean-Reno. C'est bien ou pas non? Non. Non, t'aimes pas? Alors attends. Je peux t'en faire un autre si tu veux. Attends. Elle s'appelle Brisma. Ses parents ne lui disent pas bonjour quand elle la voit. Elle a le nez bouché depuis l'âge de 6 ans. Elle a la famille des beaux corps. Elle a couché avec 350 mecs, mais c'est une fille fidèle. Allô, Prisma? Ah non, elle a raccroché là! Direct. Ouais, vas-y, t'avais un autre Gaëtan là. Ouais, c'est ça, Guillaume. Ouais. Voilà, il me passe la fiche. Ouais. Merci beaucoup. C'est parti pour Gaëtan de. Ouais, les photos et tout. Ouais. Voilà, il est dans le 33. Allez, c'est parti. Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez hein, sur Twitter. Hein. Hashtag Guillaume Radio. Et sur SMS aussi. Guillaume aussi. Allô, Gaëtan? Oui. Salut, c'est Brian de la télé-réalité, je te dérange pas? On t'appelle pour le casting dans lequel tu as postulé il y a quelques jours. Attends, excuse-moi, j'ai pas suivi, ça a coupé. Attends, mais t'as quel âge Gaëtan, toi? T'as plus l'âge de faire été. T'as quel âge Gaëtan? Ben, j'ai un peu plus de 40 ans, on va dire. Ah, et tu t'es inscrit pour faire une télé-réalité? Oui, parce qu'à la base, moi, je suis intermittent du spectacle, si tu veux. Ah, tu es de quelle ville, toi? Bordeaux. Énorme, ça c'est magnifique. Ça, je te présente MacPherson, notre assistant casting. Hi, salut, moi c'est MacPherson, enchanté. Oui, bonsoir. Bonsoir, très content de faire ta connaissance, vraiment. Alors, on a plusieurs, si tu veux, télé-réalité à te proposer. Alors, attends, déjà, je vais te présenter quelqu'un que tu dois connaître très bien. T'aimes bien un petit peu la chanson française? Oui, ça va, je kiffe un peu. Hein. Alors attendez, est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? Parce qu'on est avec notre ami chanteur qui va être responsable de la télé-réalité qui sort la prochaine fois. Ça sera dans 2 mois. Attendez, vous pouvez venir monsieur s'il vous plaît? Bonjour, c'est Renaud. Oui, bonjour Renaud. Alors je te propose les pitchs et tu me dis ce qui t'intéresse? Oui, les titres et je sélectionne, c'est ça? Alors attends, non, exactement. Alors d'abord on va te faire ta présentation, d'accord? Tu me dis si ça te va, hein, ok? Oui, attention, va. C'est parti ta présentation, on va te présenter comme ça au début. On va t'appeler, alors si ça te va, on t'appelle Piejoun. Piejoun. Piejoun, ouais, c'est parce qu'il faut un surnom, tu sais, c'est un peu comme Pachi, Piejoun. Et on va t'appeler Piejoun, ouais. Piejoun, voilà, ok. C'est mignon ça, ouais. Alors on avait pensé à ça pour toi, regarde. Son chat est coiffé comme Kev Adams, il fume les cigarettes à l'envers et son papy le frappe pour lui dire bonjour. Il revend ses dents pour arrondir ses fins de mois, il suce la pointe des pins et il a la même voix que Nabila quand il rote. Est-ce que ça te va? Ouais, c'est nickel. C'est nickel, hein. Ouais. Alors écoute, bah, on va te faire ça. Attends, on va faire une scène avec MacPherson. Y a pas de souci. MacPherson, okay. On va dire que tu es Stéphanie. Ok, je prends la voix féminin. Voilà, tu prends la voix féminin. Et à partir de maintenant, tu viens de faire pipi au lit. Ouais. Et Stéphanie, elle arrive et dit que tu l'as fait exprès, là tu t'énerves, d'accord? Ok. Attention Stéphanie, tu rentres dans la pièce. 3, 2, 1, action. Bijou, ne tu es pire qu'un chien. Tu pisses et tu chies dans les draps. Et je veux dire quoi, la production, je vais te balancer, je m'en fous, hein. Tu es malade ou quoi? Tu es filmé, l'exemple pour les enfants, tu le prends pour qui là? Tu es fou, tu es pas là. Tu pisses comme ça, tu es un pauvre, mec. Tu mérites même pas d'exister. Arrête un peu là, mais arrête, t'as tout dans la bouche, t'as rien dans la tête là, avec ton cerveau de bulot là. C'est toi le bulot, regarde-toi dans une glace, franchement. Mais même pour les bulots. Mais tu me fatigues, putain, je vais te mordre la tête, arrête. Je m'en fous, c'est des menaces, la caméra là, c'est des menaces, je vais porter plainte à la production. Tu me mets les nerfs là, tu me mets les nerfs. Eh ben vas-y, tu me mets les nerfs, et ben vas-y, on se bat alors si tu veux, on se tape. Attends, c'est très bien, c'est très bien. On va en faire une dernière parce que alors, en fait, si tu veux, on a les ch'tis à Miami là. Ouais. On pourrait t'envoyer avec eux. Alors Stéphanie McPherson, tu vas prendre l'accent du Nord. Ok, l'accent. Gaëtan, il faudrait que tu prennes l'accent ch'timi aussi, s'il te plaît, pour t'énerver là. Oh là là, mais ça, l'accent ch'ti, l'accent ch'ti, pas évident là. Bah, l'accent du Nord, c'est pas si. C'est pas... Essaye de prendre l'accent du Nord, d'accord. Voilà, tu saurais prendre l'accent italien ou pas? Tu prends l'accent italien. Ouais, italien. Allez, vas-y, ouais. Attention, c'est parti. On imagine que t'es avec Loana. Loana, elle a fait une bombe dans la piscine, elle est inondée de l'appartement. T'es hyper vénère. Attention, Gaëtan, tu t'énerves sur Loana. 3, 2, 1, plouf et fais la bombe. Action italien. Oh Loana, mais qu'est-ce que tu as fait? Regarde, regarde la fiole, comment tu l'as mis. Mais tu me regardes comment? T'es malade ou quoi? J'avais chaud, arrête. Mais regarde, t'as un joufleur tellement important quand t'as sauté. Regarde, on dirait qu'il est passé un zodiac. On dirait qu'il est passé un zodiac dans la maison. Ah, tiens, boulet, arrête, tiens, boulet, toi, hein. T'es un boulet, mais toi t'es quoi toi? Bah ta mère me l'avait dit, ta soeur me l'avait dit. Et ma mère et ma soeur elles t'emmerdent, bien profond, voilà. Toi et toute ta famille. Et, moi, je leur et on t'emmerde jusque dans le col du colon. En zigzag, hein. C'est toi le zigzag. Je suis sûr que t'es un mauvais coup. Je suis sûr de la lune toute petite. Bon, mais ça fait rien, petite. Ça se voit à travers ton beau cœur. Très énervé. Oui, mais t'en fais pas pour ça. Ta soeur, demande à ta soeur si elle est petite. Tu vas voir ma soeur, elle ne chauffe pas trop. Elle va venir dans le confessionnal. T'as vu comment tu es devenu? T'étais une sirène quand je t'ai connu. Regarde maintenant. Regarde, on dirait Lamantin. Un quoi? On dirait Lamantin. C'est quoi Lamantin? Lamantin, c'est comme l'hippopotame, mais ça vit sous la surface. C'est toi l'hippopotame. Tu es un bison. Oh là là là là, la tête de la pizza. La tête de la pizza. La tête de la pizza. Tu me fatigues. Reparle avec ta famille. Tu me fatigues. Je vais te montrer. Elle t'emmerde, ma famille. Alors attends, c'est bon, Gaëtan. Écoute, Gaëtan, je peux te dire, tu es sélectionné ce soir. Tu veux que je te dise pour où t'es sélectionné? Ouais, vas-y, roule. T'as envie ou pas? Ah oui, bien sûr. Eh ben, toute l'équipe de la production va t'applaudir. Puisque tu es sélectionné. Pour passer sur Énergie en direct. Voilà. Du dimanche au jeudi, de 22h minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Ouais, Gaëtan, c'est Guillaume Radio 2.0. On est en direct sur Énergie de 22h à minuit. C'était une blague, le casting, frère. Salut. Putain, qu'est-ce que tu nous as fait rire? Oh là là, bravo. Putain. Hey, on va donner ton numéro là au casting de télé-réalité parce que t'es vraiment très très bon. Tu vas faire les anges. Oh, merci beaucoup. Putain, t'as été énorme bien. T'as l'acteur. T'as un million de personnes qui t'écoutent là, mon Gaëtan. Écoute-moi, je vais te dire là, t'as 3% de ce que je suis capable de faire. Voilà. Ah, t'as été bon. Tu veux faire une dédicace, Gaëtan, ou pas? Ben, je vais faire une dédicace à mon fils Maxime, Titou. Eh ben, très bien. Eh ben, on l'embrasse. Il a quel âge, Titou, là? Il a 26 balais, vas-y, ouais, on l'embrasse alors. Salut Titou. Y'a pas de problème. Merci beaucoup, mon Gaëtan. Je te repasse Julia qui s'occupe du standard, là. C'est moi qui te remercie. Ok, à bientôt, Gaëtan. Allez, bonne soirée. Bonne continuation. Ne changez rien, les gars. Ouais. Ne changez rien. Attends, mais tu connais notre émission, toi? Ben, si tu veux, là j'étais en train de becter, mais quand je suis dans la bagnole, j'écoute Énergie. Hein. Ah, putain, c'est sympa. Merci, quoi. Hein. Et tu nous avais pas reconnu la voix au départ, non? Ah non, parce que vous avez bien masqué tout ça, les gars, vous êtes fortiches. Ah. Vous êtes en place. Hein. Et t'as vraiment cru qu'il y avait. Bonjour, c'est Renaud. Je suis en direct sur Énergie. Ah, c'est énorme. Allez, on t'embrasse, Gaëtan. Bonne soirée à toi. Ben, je vous embrasse. Merci, les gars, beaucoup. Merci à vous. Eh, bienvenue. Ouais, juste première semaine, c'est la reprise avec le nouveau jeu, là, soir. Je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, PM. Allez, on se fait son bras et Charlie Pousse, direct avec Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Maintenant, et juste après l'énigme, au fil des cadeaux sur Energy, là, on a des PS4. Et on parle de tout ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez venir raconter un truc, on partage l'antenne le soir, là, de 22h jusqu'à minuit. Vraiment, vous me balancez un petit texto sur l'ordi, là. Il défile ici, je prends le numéro, je vous appelle direct. Guillaume, au début du message, et votre message au 612. Vous êtes les meilleurs, vous me faites oublier mes complexes. Salut Océane, gros bisous. Salut, merci. Merci pour les messages, les gars. C'était... jamais. Du dimanche au jeudi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, on fait l'énigme sur Énergie, et après on va parler de ce que vous voulez, hein, si vous voulez venir parler d'un truc, là jusqu'à minuit on est libre. C'est ouvert, le magasin est ouvert. C'est gratuit. Voilà, la porte est ouverte d'elle-même, donc vous pouvez vraiment rentrer, hein, vous êtes bienvenus avec nous, là. Voilà, Guillaume et votre SMS au 612. On est sur le standard, Guillaume du standard est prêt, ouais, à vous là. Appeler. Donc n'hésitez pas à lancer un petit message, je voulais parler d'un truc, il vous arrive un truc un peu marrant, vous êtes à la maison. Juste Anaïs, en 10 secondes, on fait l'énigme d'abord. Tu m'entends Anaïs au standard? Allô? C'est qui, papa? Salut. Quoi? Salut. Enchanté Anaïs, 16 ans, c'est ça, hein? Vous allez bien? Bah oui, tu me connais de toute façon. Hein. Pourquoi? Bah parce que je suis venue l'an dernier, c'est moi qui vous ai ramené les produits de Mirabelle, là. Non, je te connais pas. Non, c'est pas. Ouais, t'es... on voit pas qui c'est. Désolé. Non. Ok, tant pis. Tu crois que t'es l'exclu sur les Mirabelles? Bon, en tout cas, oui, mais bien sûr, je me rappelle. C'était pour rigoler. Ouais. Évidemment, merci beaucoup. Bon, Anaïs, on va lâcher 6 phrases de l'énigme, ma gueule. Ouais. Ma petite goule. On va lâcher 6 phrases, il faut trouver la bonne réponse. On va envoyer Guillaume un texto en commençant par Guillaume. Et vous balancez le mot que je cherche avec votre numéro de téléphone au 6 11 12. Et comment vous trouvez mon nouveau jeu là, le jeu du casting? Ouais. Du jeudi soir, on fera ça comme ça jeudi là. Demain il y aura le clash de la semaine. Ouais. Vous envoyez du lourd, super soirée, merci mon Léo. Salut à toi. Bonsoir, moi c'est Émilie. Je vous teste un casting porno, j'étais enceinte de 6 mois. Attends, c'est Émilie. J'ai voulu tester. J'ai voulu tester un casting porno, j'étais enceinte de 6 mois et gros manque de respect, j'ai pas compris. Et ils t'ont pris sérieux? Bah alors, racontez ton numéro là. Pas mal ça quand même, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est oriental là, c'est les vacances. Ouais. Ça fait un peu musique de l'époque d'avoir été si jeune. Ouais, exactement. Sur la plage, ouais. Je suis stagiaire, nous fait une belle danse. Il est à fond là. Ça donne quoi au niveau du match France-Italie d'ailleurs? La France, il y a la France qui joue ce soir. Ils ont gagné 3-1 la France, mais c'est match amical donc ça va. 3-1, ça servait à rien, mais bon, c'est bien quand même quoi. Il s'échauffe quoi. Une tuerie ton jeu, mais on a Jimmy de Dieppe. Salut Jimmy, ça fait 2 ans que je t'écoute et génial, je cherche pas ni dans l'équipe. Peut-être de la chirurgie à JM du Standard. Voilà. On y va, Anaïs, c'est parti. Vous envoyez Guillaume et la bonne réponse de l'énigme avec votre numéro dedans au 6-11-12. On t'écoute, Anaïs. Ok, alors, il y en a du roi, on peut l'être de colère, c'est positif quand il est de rire, son puits est un parc d'attractions, certains le font à lier, plus il y en a, plus on rit. Il y en a du roi, on peut l'être de colère, c'est positif quand il est de rire, son puits est un parc d'attractions, le puits en velay par SMS qui en arrivait. Ah, c'est une ville, ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, salut à toi. Guillaume est la bonne réponse avec votre numéro de téléphone dedans pour que je puisse vraiment vous rappeler. Sinon, moi, les numéros d'envoi s'affichent pas. Vous avez Guillaume, non, qui a la bonne réponse au 612. Est-ce que ce serait le rouge? Non, rapide. Non plus. C'est pas le rouge, 07 80 25 89, c'est pas ça alors. Guillaume, non, qui est la bonne réponse au 612. Il y en a du roi. On peut l'être de colère, c'est positif quand il est de rire. Son puits est un parc d'attractions. Certains le sont alliés, plus il y en a, plus on rit, qui suis-je. Voilà, réfléchissez bien à ce que ça peut être. Si vous avez trouvé, on a un tirage au sort. Il y a plusieurs cadeaux à vous offrir, un flot des cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a à offrir ce soir là? Alors il y a des PS4, des iPad Air 2 et des bracelets connectés. D'accord, ok, très bien. Donc voilà, il y a les PS4, les iPad Air 2. Allez, Guillaume, non, qui a la bonne réponse au 612. Il y en a du roi, on peut l'être de colère. C'est positif quand il est de rire. Voilà, Guillaume, donc, a la bonne réponse. Vous pouvez nous follow, hein, c'était sur Instagram en 2 minutes, les gars, on se follow. À venir. Guillaume Play, P-L-E-Y sur Instagram, on est 560 000. 559 000 exactement. Ouais, voilà. Merci. Voilà, comme ça, on arrivera à 560 tout ensemble. Là, tout ensemble. Sur Twitter, on est en train de monter aussi. J'ai vu, vous êtes hyper nombreux à nous avoir ajoutés. Ça fait trop plaisir, les gars. On est exactement, avant que je vous dise de conneries. On est 400 combien chez le standard? On est 457 727. 456 000. Moi je galère avec mon internet là. Guillaume, donc, est la bonne réponse avec votre numéro au 612. Il y en a du roi, on peut l'être de colère, c'est positif quand il est de rire. Oui, c'est en fait, on a eu un 1-1 rire. Ah putain, je suis mort de rire. On a eu un énorme 1-1 rire. Un énorme ou rien. Voilà, réfléchissez-moi ce que c'est. Le puits du ou. Certains sont alliés, ils sont ou rien. Plus il y en a, plus on rit, plus on est de ou. Plus on rit, ou du roi. Voilà, réfléchissez bien. Donc, Guillaume, un espace. Le mot que je cherche, votre numéro de téléphone au 6-11-12. Zao, MHD, on se le cache juste après. On parle de cul. On n'a pas parlé de cul depuis la rentrée. Ah ouais, premier sujet cul, on parle de cul juste après. Si vous voulez parler de cul, c'est ici que ça se passe. En 30 secondes. Tous les matins sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Allô Laura? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire, Laura? C'est ça. Tu touches chaque mois 1560 euros, je vais doubler ton salaire, 3120 euros. Oh là là là là là là, merci, merci infiniment, merci beaucoup. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Hey, salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu héros, non? Ouais, ça fait des jaloux, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Gagnez toute la journée votre compil Énergie Back to School 2016. Tous les hits de la rentrée réunis sur 3 CD avec en exclu Charlie Puth,

plus il y en a, plus on est de 1-1, plus on rit. Voilà, Guillaume, le mot que je cherche, votre numéro, vous me l'envoyez au 6-11-12, on fait un tirage au sort, en même temps c'est l'énigme de la soirée. Comme chaque soir, on file les iPad Air 2 et les PS4 sur Énergie. J'ai tronqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris, Paris, Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Oh putain, ça va me faire du bien de reparler de sexe. Et la libération. À 23h30, c'est quand même l'heure pour en parler. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'actu? On me demande si on est en direct. Et la France, je te jure, frérot, on est en direct. Hein. La France a joué au foot. Voilà. Il n'y a pas d'arnaque. Hein. Quand je vous dis qu'on est en direct, c'est qu'on est en direct. Hein. Ouais. C'est comme une chaîne de télé quand même direct en haut, il n'a pas le droit de faire le contraire. Ouais. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Donc, y a pas... Pourquoi le net il est aussi pourri là, ce soir? Là, je sais pas, j'ai déjà fait mon mail, Guillaume. Oh là là, c'est l'horreur. On a internet, mais de merde là. T'as l'impression qu'on est dans les années 80. J'ai même un blog, j'ai même pas les photos qui apparaissent. T'as la croix. Je vais me connecter sur mon téléphone. Et en tout cas, si vous voulez venir raconter un truc ou quoi, vraiment, on est à la maison là. Vraiment, entre nous, si vous découvrez mon émission, je m'appelle Guillaume. C'est Guillaume Radio 2.0. Il y a Julien le stagiaire qui est là. Ouais, je suis là, salut. Avec moi depuis 5 ans. Il y a JM le standard qui est là aussi. Ouais, salut tout le monde. Julia qui est avec nous depuis 4 jours. Ouais, salut Guillaume. Flo des cadeaux aussi. Salut tout le monde. Voilà, qui est là chaque soir. On a plus que 2 heures par soir. Faut qu'on trace. Hein. Je dis ça à des amis, j'en discute, ils me disent non mais attends, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? 2 heures, c'est un match de foot et demi. J'ai arrêté de me dire que t'as pas le temps de parler. En radio, on est tellement bavard, on a tellement envie de raconter les trucs tous les jours qu'on n'a pas le temps de faire un quart de l'émission. Ça passe trop vite. Il reste même plus une demi-heure, quoi. Putain. On n'a même pas le temps de parler des vacances de JM du standard. C'est vrai que je sais pas si c'est une bonne chose. On termine l'énigme, mais on parle de sexe dans 10 secondes parce que là, je veux dire qu'il y a déjà un coup de fil. Alors, le sujet vraiment, il est énorme en plus de cul. Si vous voulez venir raconter un truc, voilà, Guillaume donc est la bonne réponse avec votre numéro dedans au 612. Venez nous raconter. Est-ce que ça vous arrive aussi? Ça vous est déjà arrivé d'avoir un problème de sexe ou une solution? Vous avez découvert un truc un peu marrant, une bonne chose, une histoire sexuelle incroyable. Hein, voilà, on va en parler après. Un plan plusieurs. Juste dire par exemple qu'il y a Ken 5 ans après. Ouais, coup, bah ça se raconte. Ah bah avec plaisir. Plein de choses. J'ai une sonde. T'as sexé un petit peu cet été? Oui. Ouais, un peu. Ouais. Bah demain. C'est bien, attends, dans 3 semaines. Ouais. Pas mal. Je suis content. C'est, ouais, bon, c'est ratio. C'est bien. Ouais. Bravo. Il n'y a pas de ratio à avoir. Les femmes, c'est pas la farine. T'as compris, presque une par semaine, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup, on est une victoire, c'est une compte par semaine. Ouais, c'est clair. C'est le tableau, c'est femmes sur semaine. Ah. C'est, même si c'est les ordonnées, c'est femmes sur semaine. Il trace un trait après et il fait une courbe. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'était cool. Flo, des cadeaux. Flo, des cadeaux. L'été était bon, toi? L'été était chaud? L'été était cool, ouais. Ouais, c'est vrai. Je suis resté sur la côte. L'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. Alors, pardon, excuse-moi, tu disais? Non, j'ai fait vachement de ville et c'était hyper cool à faire. C'est super, ça. Voilà, ouais. C'est intéressant. Voilà, bah, ça s'appelle un voyage, un road trip. Mes vacances. C'est un road trip, quoi. Ouais, un peu ça, ouais. Avec un sac à dos. Il y a 2-3 jours par là et après je repartais. Et 2-3 jours par ça. C'est super ça. Même au lieu de se poser pendant 3 semaines. Bah c'est un concept, hein. Bah on est super content. Ah ouais. Mais c'est sûr. On est heureux. Ça avait l'air cool. Non mais moi j'aime bien quand même rester au même endroit quelques jours pour me reposer. Mais c'est vrai qu'après j'aime bien bouger aussi. Je comprends. Ouais. Ça dépend. Ouais. T'as un peu le la bougeotte. T'as un peu les fourmis aux fesses, hein, comme dire. Ah bah oui. T'as bien bougé, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, et t'as fait quoi comme ville, par exemple? Alors j'ai fait Nantes, j'ai fait Bayonne, j'ai fait Mézos, Biarritz et Bordeaux. Ah, la côte Pays ouest. Basque, quoi. Pays Basque et Gironde. Toute la côte ouest. Et côte ouest, exactement. Ouais, c'est ça. Côte ouest, c'était pas une série américaine, ça? Si, ouais. Dans les années 80. Ah là, on s'en bat les couilles. Ouais, donc, pareil, c'est ce que j'ai promis. Et juste à l'aise, on termine de. T'appelles de The Range, hein, c'est ça, toi, dans le 57. La Moselle. Oui, c'est ça. Salut à tous ceux de The Range, représentants. Salut, Zérangeois. Salut à tous les Zérangeois. On dit des Zérangeois? Je pense comme une orange. Oui, oui, ou les Orangés. Les Orangeois. Guillaume, donc, est la bonne réponse, hein, de cette énigme. Est-ce que tu veux bien la répéter une dernière fois? On prend le gagnant maintenant, s'il te plaît. Alors. Il y en a du roi, on peut l'être de colère, c'est positif quand il est de rire, son puits est un parc d'attractions, certains le sont alliés, plus il y en a, plus on rit. J'avais compris, son cul est un parc d'attractions. C'est possible aussi, peut-être. Il y en a du roi, on peut l'être de colère, c'est positif quand il est de rire, le ou rire. On peut l'être de colère, je suis ou colère. Il y en a du roi, le ou non roi. Son puits est un parc d'attractions, certains le sont alliés, plus il y en a, plus on rit. Qui suis-je? Donc Guillaume est la bonne réponse avec votre numéro de téléphone dedans, là, au 6-11-12. Guillaume, la bonne réponse avec votre numéro au 6-11-12. Si vous avez trouvé les réponses, allez-y, hein, par message. Est-ce que ce serait une couronne? Non. Il y en a pas. Du roi, est-ce que ce serait la reine ou un trône? Non, on file des PS4 et des iPad Air 2 aussi, là. Est-ce que c'est un repas? Non. Non, c'est pas un repas non plus. Est-ce que ça serait un bracelet? Un bracelet? Non, dommage, c'est pas ça. Est-ce que ça serait un château? Je reste fidèle. Non. Est-ce que ça serait le rouge? Raté. Est-ce que ça serait un jaune? Non. L'Astérix? Non, je te dis les messages qui arrivent. Il y en a du roi, on peut l'être de colère, c'est positif quand il est de rire. Son puits est un parc d'attractions, certains le sont alliés. Plus il y en a, plus on rit. Est-ce que c'est la crise? Non, toujours pas. Mike, alors c'est pas ça que j'ai. La bonne réponse aussi, sans doute. Réfléchissez bien à ce que ça peut être. Est-ce que ça serait un fou? C'est ça. Eh ben c'est ça. Bien joué. Bonne réponse. Bravo. On appuie sur le boot. J'aime du standard, celui bien appuyé sur le bouton. Ouais. On va sortir un numéro de téléphone maintenant. Ouais, je prends mon doigt et j'appuie sur le boot. Mais alors appuie-nous sur le boot, sur le clavard là, sur le petit clavard. Tu appuies sur le boot. Ouais. Sur le keyboot. On appuie sur le bouton, on va voir ce qu'on offre. Allez, ce soir, vas-y, appuie sur le keyboot. Ouais, allez, normalement c'est bon. Ça va. C'est parti. Par contre, faut que ça réponde, hein, si ça répond pas, c'est dans le cul. Allez, répondez si vous avez un numéro caché, hein, c'est que c'est. Ça a répondu toute la semaine. Et c'est vrai que ça a répondu toute la semaine. Attention, c'était intéressant. On compte sur vous pour répondre aussi, par contre, c'est important. Il y a quand même des beaux cadeaux là. Ouais. Pas des cadeaux de merde. Hein. Il a appuyé sur le kibbutz, pas pour rien, j'aime ça. Est-ce que c'est un kibbutz, ce JM du standard? Non. Oh là. Allô? Mais en plus, c'est un sketch de. Attends, allô? Oui? Ouais, bonsoir, c'est Guillaume d'Energie, tu vas bien? Je t'appelle pour te faire un petit cadeau, je crois que t'as joué à l'énigme. Oui. T'as été tiré au sort parce que JM du Standard n'a plus sur le kibbutz. Alors tu sais pas ce que c'est qu'un kibbutz, hein, JM du Standard. Je crois. Alors qu'est-ce que c'est que d'après toi? C'est pas un truc, un bagne ou un truc comme ça? Non. Un quoi? Un bagne. Un prison. Bagne, ouais, une prison, un truc comme ça. Non. Pas vraiment. Ouais, enfin, t'appelles ça comme dans, tu veux. Ouais, c'est dans un sketch de d'Eli. C'est Moon? Non, l'autre. Kaku. Ouais, on les a envoyés au kibbutz. C'est pas. C'est, ouais, c'est, oui, oui, oui, oui. Ah. Je vais vous lire la définition, mais qu'est-ce que c'est, Julia? C'est un village agricole, en fait, d'agriculteurs, et qui s'autosuffit. Simplement. Voilà. T'as regardé ça sur Google, toi? Non, non, pas du tout. J'ai passé des week-ends dans des kibbutz, en fait. C'est vrai? Ouais, ouais, il y a des kibbutz, surtout en Israël, où tu peux louer comme des chambres d'hôtel et tout, et vivre genre avec des agriculteurs. Village collectiviste d'Israël développé par le mouvement sioniste sous l'influence des idées du socialisme associatif. Voilà. Voilà. En fait, en gros, ouais, ils font à bouffer et ils mangent, quoi. C'est un peu la ferme, quoi. En gros, ça, c'est les curés, c'est ça, les monastères. Les monastères, avant, ils faisaient pareil. Manger, bouffer, quoi. Non, c'est cultiver, bouffer. Parce que manger, bouffer, c'est pareil. C'est les anges là. Les cadeaux. Les cadeaux. En tout cas, on t'envoie ça. Je vais faire tourner la roue des cadeaux, ouais. Mon con là. C'est quoi ton prénom? Nicolas. Nico. Salut, Nico. T'as quel âge, Nico? Salut, salut. J'ai 15 ans. 15 ans. En tranquille ou quoi? Troisième seconde, t'es rentré là? Seconde là, je viens de rentrer. Oh là là, ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Moyen? Ouais, non, franchement, ça c'est va. La rentrée, ouais. Ouais. T'as laissé les Kuma ou pas? Le mec qui va faire genre. Il va passer ça au tu sais. Il va faire une transition de merde et tout. C'est énorme. Et pourquoi tu dis c'est moyen, genre, t'as pas les potes dans la classe et tout là? Non, non, je suis tout seul. Mais genre, en fait, c'est parce qu'on est. En fait, c'est notre lycée secteur. Et vu qu'on n'est pas beaucoup, ben voilà, on est divisé en 14 classes. Donc du coup, c'est chaud d'être avec tes potes. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, c'est beaucoup, 14 classes. Ouais. Putain, ouais. Bah, c'est un bahut, quoi. Ouais, bah oui. Ouais, bah, 14 ouais. secondes, en fait. Ah ouais, 14 secondes. Ouais. Ah ouais, non, c'est si, c'est un gros bahut. Ouais, ça commence à être un beau bahut. Ouais. Et du monde, là. Un bien beau bahut. Grosse cantine. Et alors, et du coup, donc t'es plus avec ta. T'es pas avec ta classe, quoi. Avec ton crew. Non, pas avec mes potes. T'es pas avec tes potes, pardon. Ça, c'est horrible, c'est quand tes potes, ils sont ensemble dans une classe et t'es un peu rejeté, quoi. Tu les vois à la récré. Du coup là on est tous séparés et tout, donc du coup c'est chaud. Ah ouais. Bah moi je préfère ça, hein. C'est vrai que je suis un peu égoïste, hein. Genre je me dis bah si je suis pas avec vous, je préfère que personne soit avec vous, quoi. Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais, ouais. T'es une bande de 4, y'en a 3 et un après tu sais qu'ils vont un peu te laisser parce qu'ils vont être dispersés entre eux. Ouais, ouais, je sais pas. Donc je préfère que tout le monde soit séparé et tu te retrouves le midi, quoi. Je fais un scandale, le midi pour bouffer la frite, quoi. Ouais. Tu bouffais beaucoup toi à l'école, Flo, des cadeaux ou pas? Non, pas spécialement. Tu bouffais beaucoup. Il bouge avec les mains. Non, mais je me rappelle que c'était la guerre quand il y avait des frites, ouais. T'as une tête de mec qui se bourre la bouche avec les frites. Et qui fait droit, en fait. Mais je te bourre là. J'ai un stagiaire, il fait ça. Complètement. De quoi? Il prend les chips, il se remplit les doigts. Non, mais c'est parce que j'ai faim. Pour en mettre plus d'un coup. C'est comme une pulsion quand j'ai trop faim. Il en veut toujours plus dans la bouche. Mais non, mais il prend tout en une bouchée, Julien. C'est-à-dire, même les pitchs, il les mange pas à moitié. C'est impossible. Genre un BN. Ouais. Je le prends direct dans la bouche. Plus sec. Et pourquoi tu prends? Non, parce que c'est genre. Non, mais c'est genre jouissif, tu vois. Quand j'ai faim, c'est pour me bourrer, en fait. C'est du bourrage. C'est un plaisir. C'est comme un burger en deux bouts. Mec, il cherche son truc. Mais non, mais c'est vrai. Mais ça sert à quoi de se bourrer? Ah, tu prends du plaisir à prendre. J'adore, c'est direct. J'ai besoin de manger direct. Et vite. Quand tu te sens rempli, tu manges. Non, mais non, c'est de bouffe, mais. C'est quand ça tape un peu sur les parois. Non, mais pas d'autre chose, mais. J'ai cher prendre du kibbutz. Bon, je vais tourner la roue des cadeaux, mon Nico, alors. Ouais, okay. Du coup, je peux passer une dédicace à des potes ou pas? Bah alors, c'est la dédicace ou le cadeau? Ouais, l'un ou l'autre. Cette année, c'est restriction sur tous les horaires. Les dédicaces. Voilà. C'est la crise, mec. C'est la crise de la radio, mec. Ouais. Non, mais. C'est en fait, une chanson de Jules, il disait sa crise au mic, mec. Ouais. Bon, alors, non, tu veux faire une dédicace ou un cadeau? Non, juste une dédicace. Pas de cadeau alors? T'es sûr, hein? Non. Ok. Ouais. Non, mais t'es ouf. Hein. Ah, non, mais c'est pour rire, frérot. Il y a cru. Attends, Nico, non, mais t'es sérieux? Tu préfères genre faire une dédicace à radio qu'une PS4 en bah vrai? Bah oui, tu les aimes tes potes. Ah non, mais je peux gagner un PS4 et le faire à un pote? Non, c'est l'un ou l'autre, c'est l'un ou l'autre. Ah non, mais non, c'est pour faire une dédicace à un pote. Ah mais t'as pas compris. Ah tiens, tu préfères. Ouais, y a pas... En fait, c'est soit tu fais une dédicace à un pote, soit je t'offre pas de cadeau. Ah. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'est ce que je te dis, il y a des nouvelles restrictions à la radio et je peux pas tout faire. C'est-à-dire qu'on a, vu qu'on a que deux heures, c'est soit la dédicace, soit vous payez. Alors, en général, on a un terminal, là, Julia, elle a un terminal dans la main, un terminal à carte bleue, et quand vous passez à la radio, vous donnez votre code à l'extérieur et on débite 50 boules pour faire une dédicace, tu vois. C'est ça, ou par PayPal. Ouais. Mais non, je rigole. Ça va pas, frérot. Vas-y, vas-y, fais ta dédicace. Vas-y, vas-y. Donc, une dédicace à Maxence, donc, qui est un de mes potes au lycée, à De Claire aussi, et à Little Benny, donc un bon pote. À Little Benny passé... Ouais, qui est passé aussi normalement sur Énergie, je crois, je sais plus. Ouais, vas-y, pas de problème. Ouais. Bisous, bisous. Et bah, dédicace à Little Benny. Ouais. Y'a pas de problème. Je t'embrasse, mon pote, et je te repasse Julia au standard, d'accord? Ok. À bientôt. Salut, salut. Ciao à toi. Mais non, je te fais le cadeau. Mais toi, tu gagnes à l'énigme, ouais. Putain. Et vous êtes 1 million à jouer, ah, et oui. Tu gagnes alors. Le distrait. Allez, vas-y, vas-y, on fait tourner la roue les cadeaux là. On va voir ce que tu gagnes. Une PS4, un iPad Air 2 ou un bracelet connecté Fitbit. On va voir. Un iPad Air 2. Putain, attends, bien joué. La chance. Voilà. Tu viens de gagner un iPad Air, mec. Hein. Énorme. Ok, cool. Donc, bien joué. Bah ouais, c'est 500 boules, on dit merci, pas cool. Hein. Ah, un bisou. Tout à fait. Ah, on refait l'éducation. Ah. Donc, tu veux faire quoi plus tard, Nico, là, après la seconde? Je sais pas. J'en sais vraiment rien. Donc, je verrai sûrement à la fin de l'année. Ou... Ouais, on verra. Ah, madame Bavouchkou, tu sais, le tonton relou à table qui veut te faire une vanne de jeune et tout. Ouais. Alors, moi, c'est ça, quand je suis à table avec mes ongles et tout, c'est pour le connaître vanne comme ça, c'est pour faire jouer son long cou et tout. Et ouais, mais bon. Alors, NTM, Guillaume. Je fais, calme-toi, c'est ta soeur. Hein. Tu sais, ils veulent faire genre, ils connaissent et tout. Non, mais c'est trop marrant. NDR. Tu sais, les vieux tontons un peu rebous et tout, un peu bourrés quand t'es au repas de famille. Ah ouais, c'est les meilleurs. Au mariage. Oh putain. Toi, t'as des tontons un peu bourrés ou des tantes? Non. Ouais. Bah, j'ai un tonton, mais non. Ouais. T'as pas d'alcoolique dans la famille? Non. Non, mais attends, on a tous un. Ah ouais. On a tous un peu d'alcoolique en nous. Ouais, y en a. Un peu de tennis. Non, mais pour de vrai, mais j'ai un tonton qui est laissé, mais il est un peu alcoolique, quoi. Alors, on peut avoir des alcooliques. Et parfois, bon, c'est super triste, hein, faut les aider, mais c'est vrai que parfois, sur certains repas de famille. Ils se lâchent, en fait. Moi, c'est j'ai bien, des souvenirs, c'était n'importe quoi, quoi. Ça fait des bons souvenirs. Ouais, mais c'est triste, hein. C'est triste. Ça dépend comment il est. Mais bon, tu sais, genre, quand il fait la vanne, c'est marrant, mais après, c'est un peu triste tout. Tant qu'il vaut mieux. T'as de l'alcoolique un peu dans la famille? Non, ça va, parce qu'en fait, ils sont fêtards, mais ils sont pas alcooliques. Tu vois, ouais, attention. Ouais. Mais ils aiment bien boire, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est tombé. Ouais, donc ils sont alcooliques, quoi. Alcooliques, c'est la dépendance. Tu bois avant la soirée, quoi. Tu vois, voilà. Italiens ont sifflé la Marseillaise à Bouffon et a applaudi la Marseillaise. Pourquoi les siffler? Respect, salut à toi. Moi, je me suis fait approcher par des gars sur le plage des touristes. Si vous voulez faire une branle avec le risque, j'ai pas compris. D'être surpris, j'ai refusé. Attends. Ah ouais, plage des touristes, ouais. Je suis hétéro, ah ouais, bah ouais. Après. Bah surtout ça en fait, hein. T'es hétéro, t'es hétéro. Il faut savoir. Salut Nico du 76. Salut, salut mec. J'ai déjà, tu as déjà fait branler par une bande de gays sur une plage des touristes pour essayer. Non, mais j'ai fait plage des touristes cet été. J'en ai vu. Ah. Ils sont arrêtés, j'ai un peu maté, mais c'est troisième âge. Hein. C'est pas très beau. Je viens manger des frites aussi. Salut Adrien du 80. Bon, alors attends, on va parler de cul justement parce que 23h44, on est en retard. Nico, je t'embrasse, mon pote, je t'envoie l'iPad Air de la maison demain, d'accord? Salut. Salut. Bisous. Et Anaïs, tu veux faire une dédicace ou pas de The Range là? Ouais, je veux bien. Vas-y. Alors, une dédicace à Julien, Mégane, Lou, Aude, Flo, Vincent, Louis, Romain, Léna et surtout Michel. Vas-y, y a pas de problème. Et bah, dédicace à tout le monde alors. Ouais, salut. Dédicace à Michel, à tout le monde. Et je t'en passe Flo des cadeaux là. Oui, ouais. Je voulais juste vous dire et tout. Vraiment, depuis la reprise, c'est toujours aussi bien, même si c'est plus court et je vous aime trop. Échangez pas. Ah, merci. Merci. Merci. On met la même dose de ferveur dans les coups de rein. Et d'amour. Allez, gros bisous, Anaïs. Salut. Parfois, c'est pas bon quand c'est trop long. Hein, ah, bah oui, à 2h, c'est bien, 2h, une relation. Ouais. Il faut pile poil un bon. Gros bisous, alors. Je te fais un gros bisou aussi. Bisous. À bientôt, Anaïs de The Range. Il y a Molly pour parler de sexe. Bonsoir Molly. Bonsoir. Bon prénom. Bonsoir Molly. Bonsoir toute Molly. Seule. Salut. Saint-Malo dans le 35, hein, c'est ça? Oui. Eh ben enchanté Molly. 28 ans, hein, Molly. Oui. C'est plaisir ça, Molly. Ouais. Molly, Molly qui fait quoi dans la vie? Je cherche du travail. Tu cherches du travail dans quel dôme? Dans la vente. D'accord, ok, très bien. Je finis plus les hauts. C'est un concept. Très bien. Eh ben vas-y, hein, enchanté en tout cas. Tu voulais passer parce que tu voulais parler de Fion? Le sexe, les sujets sexe de l'année. Oui. Enfin, c'est l'ouverture de la chasse. Je sais que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regarder d'un hublot. Si tu me passes un PME. Putain, c'est bon de commencer à parler de sexe. Qu'est-ce qui t'arrive, Molle? Alors, vas-y, raconte un peu, Molly. En fait, si tu veux, avant je détestais avaler. Que mon mec me fasse une facelle et que j'avale, je détestais ça. Et il a insisté pas mal, tu vois. Et en fait, depuis, j'adore. Et ça a été un des plus gros changements, on va dire, dans ma vie sexuelle avec la sodomie. C'est vraiment deux trucs. Au début, je refusais catégoriquement parce que pour moi, c'était dégueulasse, c'était sale, machin. Et en fait, au final, j'apprécie autant l'un que l'autre, quoi. Je me rappelle de... La première fellation sur la tête de Julien Stagiaire. Arrête, Guillaume, s'il te plaît, respecte-moi. C'est un SMS de Bernard. Dans ma tête, je lis. Ah oui, Bernard. Sacré Bernard. Je sais pas qui c'est, Bernard. Mais sacré Bernard. Non, tu confonds là. Je lis un message de Bernard par SMS. Je me rappelle de cette première bifle, là où je lui ai cassé une chico. Ah, il va voir. Mais attends, Bernard. Il a une chico en or. Oh non, pas les chicots. Je me rappelle de la même de la fois où je lui ai déboîté sa mâchoire. Ah ouais, d'accord, carrément. Lorsque je l'ai pris brutalement sur mon lit. C'est dégueulasse. Kids United. Oh putain, je suis allé. Attends, j'ai pas Kids United que tu mets les enfants à ça. T'as pas écouté la phrase. Bah, j'ai écouté, ça me concerne. C'était complètement autre chose. Tu parles d'une fellation sur, pas dit, sur ma tête, dans mon lit avec une couette. Rien à voir. Il faut la musique. Je vais sauter. C'est musique de nostalgie. Un peu super. Musique nostalgique. D'accord. Je me rappelle de ce jour où j'entendais les Kids United en boucle de la radio. Ah, on écrit sur les crânes de ce côté. Ah bah c'est bien ça. Hey, ils vont kiffer s'ils écoutent l'émission. J'ai lâché le meusper. Sur qui? Lâché ma dose de semences. 50 grammes environ. Qui en a bouché l'oreille de ce jeune stagiaire. Ah bien, merci. Oh. C'est un plaisir. Oh. Il a pris son petit doigt et... Oh c'est bon, pas arrêter non. L'oreille avant de sucer son petit doigt. C'est bon, les gens ont compris là. Je lui ai fait découvrir une nouvelle sensation. C'est dégueulasse. Nous avons appelé ça l'oreille bouchée. La pipe du sourd. Oh, bah c'est charmant, putain. Il y a de la bande dans l'équipe. Ouais. Chez stagiaire, ouais. Ce jour-là, découvert la sensation que son tympan était relié à sa bite. Ah bah putain. Et à son anus. Que c'était un triangle des Bermudes du plaisir. Je suis mal foutu là. Deux trous à la paroi graisseuse de son oreille. Oh, comment tu peux penser ça? Depuis, il s'enfonce tous les matins des choses dans ses oreilles en se coiffant dans la glace. C'est gras. Ça rentre par un trou, ça sent pas. JM, t'es pas autorisé à parler sur tu la gâches. Pardon. C'est toi, tu gâches. T'imagines le sperme qui rentre? On s'en bat de savoir ton histoire. C'est un gâcheur, lui. Il est où le plaisir d'avaler pour une femme? Sérieusement, je comprends pas. Thomas de 3 dans le 10. C'est de la soumission, je pense. Zach de Caen. Salut, Aya, il est court demain. Putain, mon courage, man. Juste pourquoi. Salut, alors. Salut, on s'en bat. Mort de rien. Merci, Nico, pour la petite dédicace. Ça y est, Julien, c'est enfin pris une bite. Non, j'ai le béni. Non, pas du tout. Voilà, merci pour les messages. Merci, Julien Stagiaire, pour cette histoire. Et ce bah, j'ai pas rien, mais. De Bernard par SMS. Ah. Julien Stagiaire, c'est un javelot, tu peux le jeter au loin et sa gueule aérodynamique. Mais viens, essaie de me jeter, là. Faut arrêter avec les têtes de... bizarres que j'ai, là. Salut, Mika. Une tête normale, hein. Alors. Bon, en tout cas, Molly, alors. Avant, t'aimais pas avaler, en gros. Non, pas du tout. Ouais. C'est vraiment. Bah, je trouvais ça dégueulasse, en fait. Le goût, tout ça, et puis l'acte en lui-même, et puis au fur et à mesure du temps, tu comprends un petit peu que le côté sale aussi, c'est sympa dans un couple. Donc du coup, tu commences à accepter, et puis tu prends une faciale sans trop ouvrir la bouche, et puis derrière, au fur et à mesure du temps, tu ouvres la bouche et puis tu prends tout. Quoi. Ce qui est top, c'est de mettre un premier gel dans la bouche, ensuite tu sors la bite et tu mets sur le visage. Ah oui. C'est ma passion, ça. Ouais. T'as jamais fait? Ah, je vais le noter. Tu ressors. Ah, tu fais un deux en un. Bah oui, tu fais les deux. Bouche, visage. Voilà. Ah, c'est bien ça. T'as double sensation. Bravo. Ah, cool. Ah, ouais, ça, c'est vraiment génial. Ça a l'air top. Comment lancer un sujet? Eh bah, comme tu viens de le faire par SMS, sauf que tu marques le sujet avec ton numéro, je t'appelle. Guillaume et votre sujet avec votre numéro 612. Changement dans le sexe. Est-ce qu'avant, vous aimiez pas faire un truc que vous aimez maintenant? Ou vous aimiez faire un truc que vous aimez plus maintenant? J'aime du standard. Ouais. Ouais, j'ai toujours tout aimé moi, mais ouais. Non, je sais pas, c'est vrai, franchement. Non, j'ai tellement juste à gérer. Moi, j'ai réussi à faire un truc que j'avais un peu peur d'annoncer, c'était avec les pieds. J'ai lâché les premiers pieds de ma vie, voilà, il y a pas longtemps. Parce qu'en fait, je m'en fous maintenant, la fille voilà, que j'ai rencontrée, et je lui ai pas dit vraiment, je suis allé, et puis elle a rien dit. Ah bah c'est bien. Ouais, franchement, j'étais content. J'ai lâché mes premiers pieds, j'adore quand même. Ouais, bah, franchement, mais c'est un peu bizarre quand même. Hein. En écoutant du Kid Unite. Elle avait des beaux pieds. Avec du vernis, donc c'était cool. C'est du 45. Non, pas du 45, mais. J'ai kiffé. Ça t'a plu ou pas? Ah ouais, franchement, j'ai grave kiffé. Ah, c'est vrai. Je lui ai touché les pieds, tripoté les pieds, léché. Franchement, c'était bien. D'accord, très bien. Très bien. Bah voilà. Ah ouais, c'est super. Et alors, t'as fait quoi avec les pieds alors? Bah, je les ai touchés. Après, elle m'a un peu masturbé. Elle a pas trop aimé, par contre. Elle était pas à l'aise, tu vois. Ah, c'est vrai? Non. Je lui ai demandé, elle l'a fait pour me faire plaisir, mais c'était pas. Ouais, bah c'est pour pas... elle, le kiff était pas partagé. Tu vois. Bah non, c'est normal. Mais pour moi, c'était marrant quand même. Après. Depuis le temps que j'en rêvais. J'ai jamais mis ton pied dans une douchette, mais j'ai déjà fait ça. Non, alors ça, c'est l'état d'au-dessus, je pense. Juste le bout. Non, mais juste le gros orteil. Le gros orteil, quoi, voilà. Non, je l'ai pas fait. Les yeux notes aussi. Ah, et là, t'as sucé les orteils de la meuf. Ouais, un petit peu, ouais. Bah, voilà, elle avait des beaux pieds, franchement. Mais c'est la première fois. Ouais, c'est ma première fois. D'accord, ouais. Très bien. Donc je l'ai fait comme ça, sans pression. Ah ouais, moi je le fais à chaque fois, ça c'est ma base. C'est vrai, mais j'avais peur de le faire avant, tu vois, je sais pas. Ah si, je trouve ça hyper. Et maintenant j'y vais sans pression. Ah, c'est clair. Un peu fétichiste. Ouais, clairement. Oui, complètement. Il faut assumer le truc. Évidemment. Tiens, j'aime du standard. Alors toi, t'as pas trop d'histoire. Ouais, non, quand tu. Je sais pas pourquoi t'es là d'ailleurs. Non, de la table. Une fille, une fois, elle voulait pas qu'on le fasse par derrière. Et la première fois qu'on l'a fait, elle a voulu qu'on le fasse mais par. Mais je m'en bats les couilles, c'est pas le sujet de quoi tu me parles. Bah si, mais c'est un truc que toi, tu n'aimes pas. Oui, tu réponds à l'envers. Moi, j'aime tout. Merci. Moi, je suis pas compliqué. Julia. Bah attends, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? J'ai juste dit ton prénom. Non, c'est lui qui me fait rire. C'est attends, on dirait Evangeli, quoi. Oh, mais non, c'est Gilles qui me fait rire. Attends, j'ai dit Julien, et puis t'es quand même. Mais non, c'est lui qui me. Non, mais j'ai bien compris, je plaisante. Ouais. Je veux savoir. Est-ce que t'as déjà, pareil, t'aimais pas un truc que t'as aimé après? Ouais, moi. Juste après la pub. Vous aimez avoir le téléphone que tout le monde veut. Nouvel iPhone, l'iPhone 7. Gagner en plus un MacBook Air. C'est le pack Énergie Apple. Dès que vous entendez le double hit. Snake. Avec Justin Bieber et DJ Snake à la suite. Soyez les premiers à appeler NRJ 3937 et vous gagnez le pack Énergie Apple avec l'iPhone 7 et le MacBook Air. Énergie numéro 1 sur les pop, R&B, dance. Hey, salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu héros, non? Ouais, ça fait des jaloux, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. La revanche des ex, du lundi au vendredi à 18h15 sur Énergie 12. Lui célibataire à la recherche de l'amour. Ce que j'aime avant tout, c'est les femmes, les femmes et les femmes. Tant que ça se mange, je croque. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Leurs ex vont débarquer. On était au paradis, pas d'orage à l'horizon. Et là, on dirait que l'enfer est en train d'arriver. Ils pensaient avoir tourné la page. Ce n'est peut-être pas le cas. La revanche des ex, du lundi au vendredi à 18h15 sur Énergie 12. Un samedi soir que j'ai un stagiaire allé chier son premier peloton en écoutant du Kids United. Oh non, Guillaume, arrête. Non, mais ça, je sais pas, c'est Kids United. C'est gênant. Parce qu'on écrit sur les pieds de ceux qu'on aime, j'ai un stagiaire. Ah, ça c'est poétique, on c'est écrit beau. Surtout ceux de ceux qu'on aime. Ah bah oui, c'est important. Merci en tout cas pour tous les messages. Merci les gars. S'il vous plaît, c'est quoi la sodomie? Ah, salut Arié du 30. C'est le fait de mettre le zizi dans le cucu. Ouais. C'est pas une sodomie. Hein. Comment il a réussi à convaincre pour avaler la sodome? C'est pas faute d'essayer des conseils. Salut. Hein. Je te kiffe, je t'écoute tous les soirs. Tu me déstresses la veille de ma rentrée. Ah, vous inquiétez pas, les gars. Il y a des périodes un peu reloues dans la vie, mais il faut se dire tout le bonheur qu'il y a après à vivre. Comme Flo des cadeaux. Flo des cadeaux, est-ce qu'il y avait un truc que t'aimais pas faire que t'as pris du plaisir à faire après? Moi, c'est les anulingus. Ah oui, c'est direct. Au début, j'aimais pas trop et je le fais de plus en plus et je trouve ça assez cool. Genre, on te lèche le fion ou toi? Non, moi. Ah! Et en fait, j'ai remarqué que les filles aimaient plutôt bien ça et donc du coup, c'est assez excitant quoi. Ah ouais, lécher un cul quoi. Voilà. Ah ouais. Ouais, t'es un lécheur. C'est un peu un truc de base, non? Enfin... Bah non. Écoute, j'avais pas l'habitude de le faire, j'étais un peu réticent, mais là, du coup, quand je vois que ça fait de l'effet aux meufs. Bah je le fais de plus en plus. Alors du coup je le fais je l'ai du cul. Non, le matin je me lève au ballon pour les cul. Ah, voilà, mets une bonne limace dans le cul. Ah c'est sale. Et Il faut aimer après le faire quand même. Mais non mais ça leur fait vachement d'effet en fait, plus que je pensais. Bah ah, ouais, ouf. Ouais. Les jouisseurs. Ah, ouais, d'accord, ok. Ouais. Plus d'effet que ce que tu pensais. Bah ouais, bah c'est excitant quand t'as une meuf qui te lèche le fion. Bah oui. Tu t'es jamais léché les fesses toi-même? Non, jamais. D'accord. Ok, jamais. Non, attends, non, jamais. Pourquoi si, pas. Il faut le faire, les copains. Moi, j'ai jamais fait. Ah, mais c'est... Il faut le faire, les copains. J'ai de se faire jouer sur le crâne pour l'illustrer. N'importe quoi. Julia, est-ce qu'il y a un truc que t'aimes bien faire que t'aimais pas avant, genre? Ouais, bah non, mais en fait, avant, j'aimais bien tester des nouveaux endroits, des nouveaux trucs, je sais pas, dans l'ascenseur ou dans la voiture ou dans le truc. Et en fait, au final, il y a rien de mieux qu'un bon lit. On est d'accord. Et donc avant, je faisais ça et tout, et maintenant, je préfère beaucoup. Ouais, mais là, c'est le contraire. Non, mais le lit, c'est un peu. Je t'ai posé une question, tu m'as un peu niqué. Entre JM Zara qui sert à rien. C'est vrai, les deux, ils servent à rien. On fait plus de sujets, là. On parle pour une fois d'un truc intéressant. Juste en arrière, il a aucune histoire. Ah, je suis déçu, mais je fais tout. Même j'ai stagiaire, il y a plus d'histoires que toi. Mais c'est vrai, ça. C'est quand même dingue. Et alors, et donc, Julia, je t'ai pas demandé ce que t'aimais bien et ce que t'aimes plus. Je t'ai demandé ce que t'aimais pas et ce que t'aimes bien maintenant. C'est contraire. Et ben, je vais te dire un truc, franchement. Avec ma copine, franchement, on aimait bien tester avec des nouveaux objets et tout machin, mais au final. Bah non, mais c'est la même chose. Au final, je préfère revenir au truc normal. D'accord, pourquoi tu cries? Non, mais. Au truc normaux, quoi. Ouais, au truc normaux. Et basique, quoi. Back to basique. Mais le lit, toujours dans le lit, ouais. C'est-à-dire les doigts, quoi. Les doigts. Ouais, voilà, le corps, juste le corps. La langue. Ouais. Parce que sinon, les objets, c'est pas génial. T'es pas trop gâte. Bah non, mais je trouve qu'il y a rien de mieux qu'avec d'avoir la personne que t'aimes en face de toi. Et genre, ses doigts, c'est son corps, quoi. Que des trucs en plastique, moi, j'aime pas trop. Ouais. Bah, prends des légumes, au pire, c'est pas le plastique. C'est naturel. C'est naturel, les légumes. C'est bio, quoi. Ça pousse. Le problème, c'est que ça revient. Enfin, ça revient au même après. C'est pas ta meuf. C'est pas de la chair, quoi. Ah, moi, je vais aider. Un légume. Tu peux le faire chauffer au micro-ondes, apparemment. Il y a pas des godes que tu fous au micro-ondes? Je sais pas. Je suis sûr. Les godes. Un peu chaud. Un peu tiède. Parce qu'une bite, c'est chaud, non? Une bite? Bah ouais. On s'en rend pas trop compte, mais je pense que c'est chaud. Bah, le gland, il est brûlant, des fois. Ah, voilà. Il y a des lubrifiants qui chauffent le god ou la bite, quoi. Ah, ouais, d'accord. Des lubrifiants qui chauffent le cadeau? Ça, c'est de la merde. Par contre, les lubrifiants qui chauffent, ça te brûle, ça te fait mal. Ouais. En fait. Alors, j'ai des VRP plus durables. Franchement, ça ne fonctionne pas du tout. J'ai essayé parce que je me suis fait avoir par la pub et en fait, c'est pas du tout agréable. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, t'as acheté. Ça sert à quoi? Ça brûle. Ça chauffe et c'est plus agréable. Pour la fille, c'est mieux ou pour toi? Pour les deux, c'est pas bien en fait. Ah ouais, la pour fille, les deux, c'est pas brûle, génial. Et toi aussi. Ouais. Moi, je suis pas trop fan de lubrifiants. De produits comme ça. Ça me pique un peu la teub, moi, quand je mets un truc un peu. Chaud, pas besoin de lubrifiant, peut-être allergique. Ah, ça sert, ouais, sûrement, mais bon. Après, rien de mieux quand même que. Il faut prendre du lubrifiant à eau, quoi. Non, de la salive. Ouais. Ça, c'est du lubrifiant à base d'eau, quoi. Mais c'est vrai en plus, hein. Tu prends du. De quoi j'exagère? La salive, ouais, la salive, franchement, bien sûr. Tu craches dedans, excusez-moi du terme, mais. Non, voilà. c'est clair. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est naturel. Oui, après, quand tu veux. Si tu la fous dans un cul, par exemple, il y a rien de mieux qu'un peu de lubrifiant. Ah, ouais, c'est vrai. Un peu vraiment de la bonne lubrification à l'ancienne, quoi. Sans le tube. Un pot de Nutella de vaseline. Tu prends un couteau, tu les enlèves. C'est un pique-nique le truc. Avec la nappe. Bah, franchement, il n'y a rien de mieux que ça, quoi. Non, mais c'est vrai, complètement. Hein. Et avant, t'aimais pas avaler, maintenant t'aimes bien avaler, Molly, alors. Du coup. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais. Après, une fille, elle prend pas vraiment de plaisir à avaler, quand même, si. Si, pour moi, ça reste du plaisir parce qu'en fait, j'en procure à mon gars et le fait de. Voilà, tu deviens un peu une autre personne aussi. T'es pas la fille que t'es devant ton père, tu vois. Ouais, donc, si, tu prends du. Ben non, mais il y en a, hein, et, écoute. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est quoi? Enfin, je sais pas, le fait d'être à genoux devant mon homme avec son gland au bord des lèvres, ouais, moi, ça, je sais pas, j'adore. C'est là, ouais. Non, je comprends, c'est vrai que ça doit être. J'ai un stagiaire me dit ça tout le temps. Non, bah, mais. Avoir son se mêle pas à ça. Jim Sandard. Est-ce qu'il a assaisonné son sperme? C'est vrai parce qu'il y a des aliments qui donnent du sperme. Oh là là, le lourd. Non, mais c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est pas faux. C'est vrai qu'il y a eu des gens. J'ai entendu parler, en fait, du fait que si tu mangeais des fruits. Ouais, de l'ananas. Plus de fruits, voilà. Bah, je sais pas vraiment l'ananas, mais c'est vrai, des fruits. Le fait de manger du poisson, des viandes rouges, etc., ça peut rendre ton sperme acre, en fait. Ah oui? Donc, du coup, en fait, l'alimentation joue en fait sur ton la saveur entre guillemets de ton sperme, en fait il sera plus ou moins acre selon ce que tu manges. Ouais, d'accord, il faut faire attention à pas bouffer n'importe quoi, quoi. Je sais que comment ça s'appelle? Les asperges et tout, ça donne vraiment ça fait puer le pipi, donc ça va faire puer le sperme aussi, non? T'as déjà pris genre une giclette de asperges après les asperges? After asperge. Non, fond des cadeaux. Par contre, il y a les tomates. Si t'en manges cru, ça te fait éjaculer plus. T'as plus de matière en fait. Ah ouais, ouais. Tomates crues. J'avais lu ça. C'est les acteurs porno qui bouffent des tomates crues avant des scènes pour éjaculer plus. Ah ouais, d'accord. Okay. Ouais. Bah, on est dans le conseil, sondage là. Ouais, on conseille. Ah, là, vraiment, non, mais j'ai essayé, ça marche. Déjà avalé, non, Julia, t'as jamais fait, toi? Bah si. T'as déjà avalé? Ah oui. Ah bah, Julia. Non, mais pour tester, bah, enfin. Voilà. Voyons. J'ai un cousin pour voir. Oh. Le dimanche. kibbutz. Un kibbutz en Israël, Guillaume. Allez, bien qu'on s'occupe. Alors, attends. Non, t'as déjà fait? Bah oui, mais bon, j'ai non, par contre, j'ai pas trop aimé ça, Molly. Ouais. Moi, j'ai pas trop kiffé, mais après, je peux comprendre que voilà. Le fait de procurer du plaisir à la personne, ouais, je comprends. Ton partenaire, ouais, voilà, en fait, c'est se dire un peu, je suis. Ça avale un truc, c'est quand même agréable dans la bouche. Tu le mets. Ah, mais tu le mets où après? De jouir dans la bouche, c'est dingue. Après, moi, franchement, régulièrement, la fille, je dis, bah, va cracher dans les toilettes. Non, parce qu'elle en veut. Non, le mieux, c'est qu'elle avale. Devant toi, qu'elle avale. Je m'en fous qu'elle avale. Après, elle ouvre la bouche et tu vois qu'elle est plus. Ouais, mais en vrai, je m'en fous. Non, mais c'est marrant. Ouais, mais en vrai, ça. C'est agréable, c'est là quand tu joues. Ah ouais. Ah, c'est le regard aussi. Ah, on est bien là. On se retrouve demain, en tout cas 22h, demain en direct. Ouais, on est là demain. Vendredi, on va mettre des tweets partout et tout pour prévenir, parce que du coup, nous aussi, on vient d'apprendre. Ouais. On est du lundi au vendredi, en fait, 22h minuit. Voilà, donc je vous dis ça direct. Là. Je vous préviens dès que je l'ai su. Hein, c'est-à-dire ce soir, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on n'a même pas les jingles. Hein, vous avez vu, on a les jingles lundi, jeudi, donc voilà, on savait pas. Et on est hyper content de pouvoir être là le vendredi. En plus, ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Ouais. Et donc, gros kiff, comme ça, on sera là le vendredi soir, 22h minuit, du lundi au vendredi. Hein, ouais. C'est facile, prenez les autres. Demain, bonne reprise, les potos, on est avec vous. Bon courage. Je vous embrasse très fort. À demain, JM du Standard. À demain, Guillaume, on sera là. Bonne nuit à Molly. Bonne nuit, gros bisous. Et merci d'avoir agi. On parlera de cul demain. Ah ouais. C'était bien ce soir. Il faut vraiment qu'on se donne une demi-heure de cul par jour. Ah ouais. Pour mieux dormir. Même plus. En fait. Non, mais pour la santé nationale. Ouais. Vraiment, ah oui, oui. C'est important. Ça fait du bien. Qu'on parle 30 minutes. Ça passe vite 30 minutes de sexe. Ah ouais. Ah ouais. T'imagines. Ah putain, j'ai l'impression de ne pas commencer la discussion quand elle n'est pas terminée. Que déjà, tu faut le faire à 22h direct au pire. Oh là là. Bon, Julien, stagiaire, tu nous parleras. Ouais, demain. Ouais, à demain, Guillaume. Bonne nuit. Salut, Guillaume. Salut, Flo. À demain, Guillaume. Allez, dormez bien, puis on vous laisse avec Mickaël qui est là jusqu'à 4h du matin. Voilà, qui est de l'autre côté du micro, là, le câble. Salut. Bon, ça va ou quoi, tranquille? Ça va, ouais. On parlait de fellation, et d'avaler et d'aimer ça, voilà. Tu vois. Ouais, alors j'ai entendu, c'est Flo qui a dit ça, l'anulagus, c'est dégueulasse, comment on peut mettre sa langue dans un cul. Mais quand tu vois que ça fait de l'effet à la meuf, tu passes au-delà, quoi. Après, tu fais pas ça à foutre. Hein. Pas aux inconnus, tu la connais un peu. Quand même. Heureusement, pas aux inconnus. Je voulais chier trop mal. Attends, est-ce qu'elle attend avec la jupe? Pas avec un plan de cul. Oh. Non, mais même, je pourrais pas, moi. Ça reste un cas, ça reste un le devrais essayer. Ouais. Putain, mais dis donc, vous êtes bien trouvé avec Amina du Standard. Mais Amina, vous avez dit qu'elle adorait ça. Très bien. Bon, moi, t'as raison. Ouais. Non, c'est une sortie de secours, pas une entrée. Hein. Attends, la langue, elle rentre pas dans la nuagus. Hein. Ah bah si. Mais non, elle est autour. Non, faut rentrer un peu dedans, un peu comme une limace. Faut pénétrer avec la langue. Mais tu fais ça après la douche. Tu fais un tunnel avec la langue et tu l'enfonces. Mais elle sent rien. C'est du souffle. Ah oui. Elle soufflante. Non, mais c'est vrai en plus. Je peux pas. Et tu fais de la flûte avec. Tu fais un menu et trop de cul, toi. Attends, excusez-moi. Vous avez le droit de baiser comme vous voulez. Ah, ouais. Ah oui, non, mais c'est pas reproche, non, c'est une question. J'ai ouvert mon panel de possibilités. Ouais. Non, mais après, le problème, c'est que tu t'ennuies vite en couple, tu vois, quand tu restes un peu longtemps et tout. Ouais, non, mais tu veux faire autre chose au pire que ça. Tu veux faire quoi? Tu vas pas vous jouer avec des frites de McDo, tu vois. Faut innover, je sais pas, ouais. C'est très efficace. Pourquoi t'as une autre solution, Mickaël? On est preneur. Non, pas spécialement. Non, la Nulagus, là, c'est. Je sais pas. Donc pas là, c'est après, si, non, bah ça va, ma bite a pas de nez ni de langue, donc ça va. Langue, le nez, tout ça, non, je suis. Les pas, odeurs, t'aimes pas, ouais. Non, je suis. Voilà, on va plutôt venir. Mais un nez rouge de clown, Pierre. Ouais, bah écoute, j'y penserai. On finira sur le nez rouge de clown. Allez, bonne nuit, les mecs. Allez, salut, les gars. Allez, bonne nuit, à demain, 22h. Ciao. Ciao. C'est la rentrée. Tu regrettes déjà tes vacances? Tu étais tellement bien. Le sable chaud, les terrasses, le soleil, les bikinis, les jolies filles, les balades, la nature. Mais tout ça, c'est terminé. Même ton bronzage est en train de se barrer. C'est normal. C'est la rentrée. T'es pas bien. T'es pas heureux. Tu vas rentrer pour travailler. C'est comme ça, t'as pas le choix. Il y a le métro, les heures de pointe, les bouchons. Tu vas râler. Tu veux tout claquer. T'es fatigué. C'est normal. C'est la rentrée. Il y a l'école, les nouvelles têtes, te lever tôt. Il y a le boulot. T'étais pourtant si bien, zen et reposé. Je t'ennuie déjà. Normal, c'est la rentrée. Tu ne penses qu'à une chose, à tes prochaines vacances. Mais prends ton temps, c'est dans longtemps. Pour le moment, c'est la rentrée. En attendant, il y a Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. Exactement, on est là. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne nuit, même minuit 6. On est en direct maintenant sur Énergie. Et puis on est là chez 4h du mat, comme d'habitude. Vos messages, vous envoyez Mickaël et votre message au 612. Et puis, bah, plein de sons. Ce soir, on va s'écouter le son de Jonas Blue qui va arriver. Il y aura Major Lazer également. Il y aura Strumbellas. Ça, j'adore. Je vous mets ça avant 1h du matin. Ce soir, c'est jeudi, on se fera le canular du jeudi également avec une tablette Samsung Galaxy Tab A à gagner. Oui, il y a même aussi des bracelets Fitbit si vous voulez piéger copains, copines, papa, maman, les frères, les sœurs, peu importe. Sujet au choix, évidemment. Vous appelez maintenant Seba au standard 0140 71 5000. Si vous êtes en Belgique, vous faites le 02 703 0071. Amina qui est là également en pleine forme. Oui, très très bien. Très, très bien. Bien, parfait. Il y a Polo aussi au taquet. Ça va, je suis là, tranquille. La journée fut bonne. Ça va, ouais. Bon, bah, tant mieux. Toi aussi qui va se faire insulter ce soir. Ah, bah, j'espère bien. Mon poutou sur un cul de ta mère, fils de pute. Voilà, avec des appels mal intentionnés que nous ferons dans quelques minutes. Et puis donc, Seba, alias l'Espagnol, alias Alès, alias. Parasite, voilà, j'avais oublié, que vous pouvez appeler maintenant si vous voulez passer en direct à l'antenne au 0140 71 5000. Ça va, j'en ai fait pas trop compliqué ? Non, elle était bonne. Elle était bonne, elle fut bonne, et bah, j'ai envie de dire tant mieux. J'ai envie de dire bravo la France qui a gagné, bravo l'Espagne qui a gagné aussi contre la Belgique ce soir. Bravo. Et bon, Portugal face à Gibraltar, je sais pas encore qu'ils aient gagné, hein, manquerait plus que ça. Bah ouais, attends, tu rigoles ou quoi ? Il y a Guillaume qui est avec nous également à Rennes. Salut Guillaume de Rennes, comment ça va ? Ça va et vous l'équipe ? Eh ben écoute, salut. Ça va plutôt pas mal, comme une dernière de la semaine, à la cool quoi. Tranquillement, après, demain sera déjà le week-end. Pour nous en tout cas. On avait de la chance. Hein. Bah t'as vu, hein, on en profite bien, t'inquiète pas. Donc, donc voilà, non mais c'est vrai. Tu fais quoi dans la vie toi Guillaume ? Moi je suis routier. Ah, routier, tu roules avec quoi ? Bâcher, frigo, avec quoi ? En fourgon. En fourgon, d'accord, ok, très bien, bah c'est bien aussi. Hein. Je fais des tractions de la tagerie. D'accord, ok. Et tu nous appelles pourquoi Guillaume ? Alors en fait, moi je me rapproche un petit peu de ma meilleure amie et je voulais savoir putain, si c'est déjà arrivé peur, à certaines personnes. Ma meilleure amie. Alors, oh là là, tu m'as fait peur. Non. Oh, tu m'as fait peur, putain. Bon, et quel âge est là ta meilleure amie ? Elle a mon âge, 22 ans. 22 ans, mais ouais, alors quel est le problème ? Elle a un copain. Bah, elle a un copain. Ouais. Oh, mais c'est rien ça. Non, mais attends, est-ce que tu es le seul à te rapprocher ou elle se rapproche aussi ? Parce que ça change toute la donne. On se rapproche tous les deux. Bah alors, c'est bien. Ouais. Ah ouais, mais ça reste un truc quand même. Mais tu t'en fous, c'est de la connerie, les meilleurs amis, mais ça n'existe pas, c'est pour les patrons. Non, si, franchement, les meilleurs amis. Il y a juste Toff qui est le meilleur ami de Polo, mais c'est tout quoi. Mais n'importe quoi, ça existe. Ça n'existe pas. Mais non, il y a toujours un moment ou un autre, tu vas avoir un couteau dans le dos. Mais pas du tout. Mais si. Attends. C'est quoi le nom de ta meilleure amie ? Rachel. Rachel, bah tu verras qu'elle te mettra un couteau dans le dos. Mais jamais de la vie. Mais bien sûr, on s'est rencontrés en CP. Et ça se trouve, elle a déjà baisé avec tes mecs. Mais impossible. Alors là. Mais jamais. Et nous avons. Comment s'appelle encore ? Rachel. Nous avons Rachel qui est avec nous maintenant. Non, c'est ma meilleure amie, c'est ma sœur. Non, c'est pas vrai. Mais peu importe. Mais même tes frères et sœurs, parfois, bam. T'as des frères et sœurs ou pas, Mina ? Bah non, du coup. Ouais. Bon bah voilà, tu vois, même si t'as des frères et sœurs, ils peuvent te mettre un couteau dans le dos. Mais non. Mais si. Mais vous avez perdu foi en l'humanité ou quoi ? Mais non, c'est pas ça. On mais jamais moment... foi nous. Non, mais il y a un moment où tu peux avoir confiance tout ça, mais il faut toujours se méfier. Toujours. On sait jamais. C'est vrai ? Non, mais on sait jamais. C'est vrai, ça dépend des gens. Bon, dites-nous si vous êtes déjà sorti avec votre meilleur ami ou votre meilleur ami. Tiens, 01 40 71 5000. Toff, je te pose pas la question, t'as pas d'amis ? J'ai pas d'amis. Voilà, ça évite ce genre de problème. Mais c'est véridique. Tu sais que depuis longtemps que je connais Toff, je n'ai jamais vu avec un pote. Un pote à lui. Ouais, mais enfin, c'est pareil pour Polo. Hein. Ouais, mais moi j'ai jamais dit que j'étais. C'est vrai que j'ai jamais vu Polo avec un ami non plus. Mais moi j'ai pas d'amis, j'ai pas de potes, j'ai rien. Je connais toujours les légendes où il est parti au Brésil avec des potes, mais on l'a jamais vu ces potes-là. Tu sais, j'en ai plein, mais. Ouais, enfin, je connais plein. J'ai plein de potes, mais j'ai pas d'amis. Mon seul ami, c'est ma bite. Oh, la classe. C'est pas vrai. Ça, moi j'avais un pote, mais je me suis tapé sa meuf, et puis bon après. Ah, quelle tristesse. Quel pote. Non, c'est pas vrai. Bah mon cul, ouais. Non, bah alors, quelle chance. Non, je pense pas. Non. Il y a pas de danger. Je pense que cette meuf que tu sous-entends préfère le tuer le poignard du cul. Il y a Anna qui dit plus que 14h avant la rentrée en terminale S. Pas prête de retrouver les mêmes têtes pour le reste de l'année. Un peu de compassion, s'il vous plaît. On peut lui mettre des quelques poutous sur le cul de sa mère. Bien sûr. Moi, j'accumule mon poutou sur le cul de ta mère, fils de pute. Bah voilà. Et Caro qui dit coucou, mon Mickaël et toute l'équipe. Trop contente de vous écouter chaque nuit. Bah, on est plutôt content d'être là également. Donc vos messages, Mickaël et votre message

Attends, mais oui, mais c'est vrai, comme quoi tu vois c'est finalement important. Une bête petite faute. Ça change tout. Et change, ça change toute la phrase. Oui, oui. Ah bah ouais. Oui, oui. Donc allez voir et partagez aussi avec vos potes qui ont tendance à faire des fautes à la con. Sur le Facebook de l'émission, c'est dessus. Hein. Vous tapez M-I-K-L officiel. Évidemment, Toff qui préfère évidemment la rentrée. Ah bah évidemment. La rentrée avec ER plutôt que la rentrée E. Ah bah oui. Évidemment, forcément. Ouais, ça sert à rien la rentrée E. Ouais, on est d'accord. D'ailleurs, si vous n'avez pas remarqué aujourd'hui, c'était la rentrée. Hein. Ah bon? C'est pas vrai. Personne n'en a parlé. J'en peux plus. Les reportages sur BFM TV, j'ai vu ça toute la journée. Ah non, mais attends, ils ont fait. Et, c'est la rentrée, ils ont fait des reportages sur les gens qui déposaient leurs enfants à l'école. Oui, bah comme chaque année, c'est comme ça. Non, mais non, parce que là c'était différent. Parce que maintenant il y avait les trucs de sécurité, machin. Ah alors, oui, c'est ils vrai. Ils sont allés dans toutes les écoles. Et dans toutes les... Bah non, non, rien n'a changé. Je me suis pas vraiment rendu compte. Et honnêtement, ça. Tout le monde s'en bat les couilles. Non, mais vraiment, oui. Non, mais il faut le dire, c'est important. Mais faire des tartines de merde sur un truc à la con comme ça. Et alors sur Facebook. Alors, tu aurais pu faire un reportage sur Toff. Ah voilà. Là, on aurait été bien. Et sur Facebook, t'as tous les blaireaux là qui. Ah, ma fille, elle est rentrée. Oh, on s'en branle, j'ai accompagné ma fille. C'est la première, c'est la deuxième, c'est la troisième année. Alors, on s'en branle. C'est toujours un déchirement. Ça fait 15 ans que je l'emmène. Oui, bah voilà, c'est ça. Elle l'emmène pas. Voilà. Alors que Toff, bientôt, va pouvoir amener sa petite nièce ou son petit neveu. Ah oui. Parce que je rappelle que ça va être tonton bientôt. Hein. Ah. Ah, on sait que c'est un garçon ou une fille alors. C'est une fille, c'est Roxane. Non. Mignon. Génial. Roxane. Ça fait un peu nom de chien, non? Oh. Con, bah, il... bah Roxane. Bah Roxane. Céline, elle a plus de goût d'habitude. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est la sœur de Toff. Ah, c'est son mec qui a choisi. Oh, je pense. Qui... Non, mais franchement, je crois que je vais moi, en parler. Mon couteau sur le cul de ta mère, fille de pute. Non, mais voilà, non, mais c'est bien, Roxane. T'en parles à Maryse, ouais. Eh bah voilà, très bien. Je pense qu'elle a besoin de soutien en ce moment. Voilà. Bon, dans un instant, retour de Guillaume qui se rapproche de sa meilleure amie. Appelez-nous pour qu'on en parle. Si jamais ça a été votre cas déjà. Jamais, Amina, tu t'es déjà approché d'un meilleur ami éventuel ou pas? Bah, le problème, c'est que mon meilleur ami, enfin, c'est pas un problème, mais il est gay, donc du coup, c'est très clair entre nous. Ah oui, l'affaire est pliée. Quoi. Voilà. Enfin, c'est ouais. Surtout très clair pour lui. Quoi. Ouais, surtout oui, pour lui, ouais. On dort ensemble, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Il y a la team Mika qui dit aussi Polo a des pouvoirs cachés, ce gars a toujours raison, c'est un demi-dieu. Je te remercie. Toff, lui, c'est une sous-merde. Merci. T'as décrit l'équipe en. Voilà, en quelques mots là. C'est beau. Salut l'équipe, enfin, je vais me taper des barres avec vous dans le camion. C'est Roro du 23, c'est le routier. Salut à toi. Il y a Caro aussi sur le Twitter. Coucou mon Mika et à toute l'équipe, trop contente de vous écouter chaque nuit. Salut à toi, Caro et Zach Docan. Calme avec vous et putain de merde de rentrée, mais ça fait plaisir quand même. Et enfin, Jean-François, je confirme, les frères et sœurs peuvent mettre des couteaux dans le dos, voire tout faire pour te ruiner ta vie et vive la famille. Ouais, vive la famille. Bon, vous bougez pas, on va se mettre la pub. Derrière, on reviendra avec la nuit sans pub, avec le son de Jonas Blue qui va arriver. Pas les heures. Et Strumbelaz. Ouh. Ouais. Non, ça fait rentrer, mais rentrer aux États-Unis, ouais. C'est genre plein soleil en Californie. Mais c'est autre chose. Ah, bah ouais. La Mustang, Ford Mustang, ouais. Le mec qui débarque avec le blouson. Exactement. Le Teddy de l'équipe de football. Oui, c'est plutôt kangou. Hein. Ouais, t'arrives dans le, tu sais, le grand bahut, le grand lycée, ouais, le grand collège. Avec les cheerleaders. Ça. Avec les cheerleaders. Mon rêve. Toff qui serait en train d'essayer de baiser une cheerleader, mais bien sûr, se prendrait un vent. Non, Toff, hein. C'est les gogoles avec des grosses lunettes, là. Les fans de chimie. Ah ouais, c'est ça, le fan de chimie, ouais, c'est ça. Allez, bougez pas, on revient. PS4 à gagner sur le Facebook. Maniez-vous, on tire au sort dans quelques minutes. Vous tapez simplement M-I-K-L officiel. Pub et on revient, bougez pas. Tu les aimes, tu les détestes, mais t'écoutes, tu entends, tu peux pas t'en empêcher, tu les adores, tu ne peux pas arrêter. T'essaies de tout stopper, c'est dur, mais c'est plus fort que toi. Tu voudrais que ça se termine, mais t'es là. Toutes les nuits de minuit à 4h avec Mickaël. Sur Énergie. Tous les matins sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Allô Aurélie ? Oui. De Saint-Aubin dans le Jura ? C'est ça, oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Oui ! Chaque mois, tu touches 1 700 €. Je vais doubler ton salaire. Tu vas toucher 3 400 €. Ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Merci. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Gagnez toute la journée votre compil Énergie Back to School 2016. Tous les hits de la rentrée réunis sur 3 CD avec en exclu Charlie Puth et Selena